Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Yippie-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez. Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 42 du Bras de fer des films. Mon nom est Jean-François Tremblay et en ma compagnie, mon fidèle acolyte Steven. Salut Steven! Pour une fois, tu y vas dans la simplicité, mon fidèle acolyte Steven. Ah ah, pas d'autre mot, le farfelu, le toujours fidèle. Ah, le farfelu si tu veux, oui. Ouais, le farfelu. D'accord. Hey, c'est Jeff! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? Très très bien. Puis, c'est d'autant mieux, d'autant plus qu'en notre compagnie, on a quelqu'un de on a une invitée, c'est rare. On a ta copine Chantal. Salut Chantal. Allô. Salut. Je suis encore crampée de Stevenie. Quoi, je te fais rire? Funny guy? I'm a funny guy? You like? Je dis ça, puis je pense que Jeff a même pas vu Godfathers. The Godfather? Oui, je l'ai déjà vu le premier. Oui, ah, okay. Mais j'aurais jamais compris la référence. Ouais, ben mon imitation. T'as dit Goodfather? C'est non. Ça, oui. Ok, t'as dit Goodfellas. Ouais. Ok, mais okay, ben, moi j'avais compris que t'avais dit Goodfather. Puis non, j'étais comme dit Goodfellas. Goodfellas. Ok, j'ai pas vu Goodfellas, j'ai vu Godfather. Mais... Ok, bon, ben c'est pour ça que tu comprenais pas d'abord. C'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, ça fait combien? C'est quoi, c'est ta deuxième, troisième fois que tu viens, Chantal? Troisième, ok. C'est vrai, Amélie Poulain, All About Eve. Celle d'Halloween aussi. Celle d'Halloween, c'est vrai, ok. Ouais, Trick or Treat. C'est vrai. Ouais. Cool! notre épisode d'aujourd'hui, c'est Retour à l'école. C'était mon choix de thème, puis j'ai choisi aussi les deux films. Je me suis fait plaisir cette fois-là avec deux films qui font pas nécessairement... Ben, il y en a un qui fait pas l'unanimité, mais premièrement, on a... The Wanderers 1979, qui a été quasiment totalement oublié avec les années, est très dur à trouver en DVD et tout ça, puis c'est ça, les gens l'ont un peu oublié, mais c'est considéré comme un film culte, puis il y a une très haute cote sur Rotten Tomatoes, je pense que c'est 84%, quelque chose comme ça. Ouais. Puis notre Nave Nanar, c'est un film avec lequel j'ai grandi, c'est pour moi quelque chose que j'hésitais à faire dans le podcast, parce que c'est un film qui est très très près de moi, mais c'est Grease 2. Un film qui a genre 34% sur Rotten Tomatoes ou quelque chose du genre. Peut-être même moins que ça. Qui est donc la suite du fameux Grease. Et un film qui est considéré comme une des pires suites au monde. Et donc, est-ce qu'on... Avais-tu des choses à raconter, Steven, avant qu'on commence? Non, pas du tout. Non, ok. Moi non plus. Pas de grosses nouvelles, rien de spécial. Non, je garde ça pour des temps morts d'habitude. Ok, parfait. Ben, commençons le match de bras de fer. The Wanderers est un film réalisé par Philip Kaufman et sorti en 1979. C'est écrit par Philip Kaufman et sa femme et c'est basé sur un roman de Richard Price. C'est le résumé sur Wikipédia nous dit « Les années 60 à New York, dans le Bronx. L'histoire décrit la vie quotidienne de jeunes qui se retrouvent en bande, chacune avec ses codes vestimentaires ou physiques. » Entre les rencontres avec les filles, les rivalités entre bandes et les problèmes ethniques, on découvre la vie de ces jeunes qui vont bientôt faire leur premier pas dans la vie d'adulte. Je vous nommerai pas les acteurs qui sont dans le film parce qu'il y en a trop, et de toute façon, la plupart des gens sont pas connus. Je nommerai seulement Karen Allen, qui jouait dans Indiana Jones quelques années plus tard, qui joue là-dedans une jeune femme qui va tomber amoureuse d'un des membres de la gang. Et un autre acteur qui s'appelle, je vais retrouver son nom, Alan Rosenberg, qui a joué dans quelques séries télé, des quelques films, qui est encore très actif. Et c'est pas mal les deux que moi je connaissais d'avance. Mais, je pensais que t'aurais dit Ken Foray, mais en même temps, quand je l'ai vu dans le film, j'étais comme, ben là, il y a même pas un gros plan sur son visage qu'on peut à peine le voir. Là. Où est-ce que t'as vu Ken Foray, toi? Tu me niaises-tu? Il est pas dans le film. C'est sûr que tu me niaises. Je te niaise pas. Ouais, il est dans le film. C'est le comme durant la partie de football. Ah, ok, ok, oui, ok. Non, je savais même pas, en fait. je viens de le voir sur IMDb. Ben moi, j'ai tout de suite reconnu à cause de son front, parce que Ken Foray a vraiment un front unique. Là. Ok, ouais, ben c'était quoi, un an après Dawn of the Dead, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, ben merci, je savais pas. c'est vraiment cool. Ben ça m'étonnait, j'étais sûr que tu le savais. J'étais comme, ben, l'acteur à GF, c'est sûr qu'il va le savoir qui est dedans. Non, pas en tout. T'avais-tu quelque chose à rajouter, Chantal? Non. Ok. Fait que là-dessus, on va écouter un extrait du film, puis on revient tout de suite. Oh. Ah, faites attention! T'as eu ce que tu voulais? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ah, oh, c'est pas très malin, je parie que tu trouves ça drôle. Et de quoi vous parlez? Ah, excusez-moi de vous avoir bousculé. Edith, vous croyez que je m'amuse à bousculer toutes les filles exprès? Oh non, pas toutes les filles. Tu t'attaques seulement à celles dont tu espères un petit frisson. Non, j'espérais rien. Vous croyez que j'essayais de dis pas de conneries. Tu penses pas que t'as passé l'âge de faire joujou comme ça? Tu sais que chez moi, on appelle ça molester. Et où c'est, chez toi? Je suis pressée, écrasée par toi. Tu vas à quel lycée, toi? Écoute, je sais pas ton nom, mais... Richie, et toi? Nina, écoute-moi, tu te gourres si tu crois que je suis le genre de fille qui parle à tous c'est les plus tard dans la rue. C'est quoi ce que tu as là? C'est ah là, oui, l'amant de Lady Chatterley. Et je l'ai lu, oui, ce bouquin, c'est super. En entier ou les trucs cochons seulement? Oh, ça va, Nina, allez, arrête de m'envoyer des vannes. Rien n'empêche de parler libre avec un petit plotteur comme moi. Bonjour, ça rentre ta mère qui te réclame, Richie. Hé, tes petits copains t'appellent. Eh ben alors, Richie, tu viens? Tu leur dis vraiment tout? Oh, tu rigoles, les trucs cochons seulement. Dis, Nina, je trouve que ce serait con d'en rester là, on devrait se revoir. Il faut que je file, j'ai une journée fatigante. Et attends, je vais te présenter un ami. T'as bien une seconde, quoi. Et Joy, je te présente Nina. Salut, Nina. Voilà la gueule qu'il a, on dirait pas, mais c'est vraiment un grand artiste. C'est vrai, je suis sûr que vous deux, ça collerait au poil. Bon, il faut que je me sois... D'accord, mais avant tout, file-lui ton numéro. Il n'est pas question de donner mon numéro, non mais ça va pas. Allez, dégagez, là. Hey, Joey, donne-lui ton numéro, au cas où elle voudrait venir à une boum avec nous. Quoi, mon numéro? Quel oui, numéro? 485-05-64. 485-05-64? Mais c'est mon numéro, ça. Oui, 485-05-64, t'as enregistré? Elle téléphonera? Tu crois qu'elle se rappellera? Oui, c'est sûr. Oui, elle se rappellera, j'en suis persuadé. Elle se rappellera et elle appellera. Donc, The Wanderers. Je pense que si je me fie à ce qu'on s'était dit avant, toi Steven, tu savais pas c'était quoi, puis je pense que Chantal non plus. N'avez-vous entendu parler de ce film-là avant? Non, moi je n'ai jamais entendu parler, c'est vraiment toi qui m'en as fait découvrir. Moi non plus. C'est ça, c'est pas connu. C'est mais bon... je comprends pourquoi c'est pas connu. Oui? Je suis curieux. Steven m'a regardé avec un gros smile. Je suis comme, ok. Ben, juste pour dire que je connais pas son opinion, on s'est pas parlé. Mm-hmm. Non, on s'est pas donné nos opinions. C'est bien beau. Non, Steven, il fallait qu'il parle à son ami de Metal Gear. Non, j'embarquerai pas là-dedans. Qui est sa passion de ces derniers jours. Mm-hmm. je vais parler du réalisateur deux secondes, Philip Kaufman. Si le nom dit quelque chose à des gens, c'est parce qu'il a réalisé l'année d'avant, il a fait L'Invasion des Profanateurs. Le premier remake. Puis c'est ça. Puis le gars qui a écrit le roman, Richard Price, il a aussi écrit plusieurs d'autres romans qui se passent dans des milieux urbains. Puis il a écrit, entre autres, un roman qui s'appelle Clockers, qui a été adapté par Spike Lee en 95, je pense. J'ai jamais vu le film, mais c'est un autre film qui se passe en milieu urbain. Puis c'est ça. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Non, c'est ça. Moi, j'ai découvert ça il y a plusieurs années, là. Probablement louer le DVD maintenant quelque part, mais c'est ça, il est vraiment pas évident de trouver le DVD. Puis ben ça rentre moi dans mon intérêt pour les films de gang. T'sais, ça partit pas mal avec avec les deux Grease probablement, puis West Side Story surtout. Puis Ça, ce film-là rentre là-dedans aussi. Tu sais qu'il y a d'autres films de gang aussi qui sont que j'ai bien aimé au fil du temps, là, The Warriors et tout ça, mais lui, lui m'avait vraiment beaucoup plu pour différentes raisons. En partant, ce que j'aime du film, puis je dirais que le thème principal du film, c'est vraiment le changement puis le passage à la vie adulte, comme dans le résumé, ça, je le disais tantôt. Puis c'est vraiment ça qui est au cœur du film. Il y a différentes choses qui l'illustrent, je pense, dans le scénario, là, mais c'est vraiment un coming-of-age movie, là, tu sais, puis des jeunes... Mais à la fin des années 50... Ouais, c'est ça. Ça se passe en 63, mais tu sais, ces gens-là sont vraiment ancrés, cette gang-là sont vraiment encore ancrés dans les années 50, autant dans leur look, t'sais, leurs cheveux, tout ça, les costumes, la musique qu'ils écoutent, t'sais, ils sont pas sortis encore des années 50, puis ça illustre justement leur... les années 50, pour eux, c'est un peu comme la jeunesse, t'sais, puis ça illustre un peu leur difficulté à passer à quelque chose d'autre, puis plus tard dans le film, on le voit, t'sais, que la société avance, mais eux, ils avancent pas vraiment, t'sais. Non, puis t'as beaucoup de faits historiques qui arrivent en même temps, puis de trucs vraiment cool, là, vraiment cool, là. Pas dans, cool dans le sens, comme l'assassinat de... Kennedy, puis pas que c'est cool, mais je veux dire, le film relate beaucoup de faits historiques, puis j'ai trouvé ça intéressant, puis bien intégré dans le film. Je pense qu'ils disent souvent que, tu sais, aux États-Unis, ça a été comme la fin de l'innocence, un peu aussi, quand Kennedy est mort, fait que, tu sais, il y avait comme une sorte de effervescence des 50, le monde dépensait, le monde, tu sais, il y avait comme une sorte de joie de vivre dans les années 50 après les années de la guerre dans les années 40, tu sais, puis là, je pense qu'en 63, quand Chose y est mort, ils ont comme fait, OK, tu sais... Quand Kennedy est mort, tu sais. C'est JFK, tu sais, il est un peu connu, là. Non, c'est ça. Le président, là. Machin chouette, là. Mais c'est drôle de la manière que c'est l'impact que ça a eu juste dans les rues au moment que la nouvelle a été annoncée, parce que dans le film, la manière que c'est présenté, tu vois juste le personnage de Richie qui marche, puis à un moment donné, il voit une madame en train de pleurer, puis d'autres mondes qui pleurent à l'autre bout de la rue, puis là, je suis comme... OK, bon, il y a eu un meurtre. J'étais sûr que c'était une scène de meurtre, puis je suis comme, c'est sûrement quelqu'un de son gang, puis je m'attendais aucunement que ça allait un lien avec Kennedy, puis là, je voyais juste tout le monde devant les écrans de télévision, là, puis... Ils ont fait un peu la même chose dans Mad Men aussi, quand Kennedy est mort. Je pense que, si je me souviens bien, le personnage principal, Don Draper, arrive au bureau, puis là, tout le monde braille dans le bureau, puis... Ouais, je m'en souviens. Mais c'était comme ça pour vrai, par exemple. Oui. Ben, j'ai demandé à ma grand-mère dans le temps, là. Je dis là, le monde, il pleurait-tu pour vrai? Puis elle dit, oh, les Américains, c'est bien important. Il a dit qu'il pleurait, là. C'était... Ben, tu sais, l'année passée, j'ai commencé à réécouter Ma sorcière bien-aimée. J'ai écouté la série complète, puis je suis en train de terminer la 8e saison en ce moment. Mais le pilote de la série a été tourné le soir de l'assassinat de Kennedy, puis ils l'ont su juste avant qu'il commence à tourner. Puis ben, là, tout le monde broyait sur le plateau, mais ils ont comme décidé de continuer pareil parce qu'ils n'avaient pas le choix, puis c'est une question d'argent, là. Tout était planifié pour le tournage, mais ils ont dit « OK, on va continuer pareil », mais plus personne n'avait le moral vraiment, là, tu sais. Ça doit être drôle, après t'écoutes le pilot, puis t'essaies juste de voir si tu peux voir le chagrin dans le visage des acteurs. Non, il me semble qu'on le voit pas, mais t'es assez professionnel pour le cacher. On peut toujours compter sur Steven pour aller faire un peu de voyeurisme. Ouais. Fait que c'est ça, sinon, par où commencer? On commence au début, on voit tout de suite dans les premières scènes, on voit un gang de rue qui a vraiment existé dans la vraie vie, qui s'appelait les Four Dumb Baldies. C'est des gars qui s'est tout rasé la tête, puis qui terrifiaient un peu le voisin. En même temps, ils ne terrifiaient pas, parce qu'on voit dans les premières scènes, c'est ce que j'aime, c'est qu'on les voit se promener dans la rue, puis ils ne dérangent pas vraiment le monde. Là, les gens se tiennent un peu à l'écart, mais en même temps, ils sont comme à la fois... dérangeant, mais inoffensif aussi, tu sais. Puis on va voir plus loin dans le film qu'il y a des gangs qui, eux, sont vraiment plus dangereux, tu sais. Il y a comme... Mais cette gang-là, on ne le prend pas vraiment au sérieux, là. Ils sont innocents. Quand ils te courent après, j'imagine qu'ils sont intimidants, tu sais, mais... Mm-hmm. Puis quand ils te pognent dans un coin, parce que, tu sais, leur chef, il est pas petit, là. Mais... Tu parles de terreur? Ouais, c'est ça, tu sais. Mais... c'est ça, en même temps, il n'est pas si épeurant que ça. Puis, c'est ça, ce que j'aime aussi, c'est que dans le film, tu as des gangs comme eux autres, comme les Wanderers, puis la bande de Noirs aussi, j'oublie le nom de la gang, mais qui eux... On les voit pas très souvent, eux, par contre. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on oublie les noms, parce que les seuls que je me rappelle le plus, ce sont évidemment les principales, les Wanderers, puis... les Skinheads. Les deux. Les Wanderers, pas des Skinheads. Non, les autres, qui ont l'air des skinheads. C'est bien plus le fun de voir eux autres que les noirs. Excuse-moi, en ça, le film, c'est de même que je me sentais. J'étais comme, là, c'est quoi, ils veulent pas montrer les autres gangs, là? Ils veulent juste montrer eux autres. Puis j'étais comme, ça fit pas pour les années 60, là? Avec les côtes de cuir, avec les studs, pis tout. J'étais comme, c'est quoi, ça? C'est quoi que le gars, il essaye de nous dire avec ce film-là? Ben, en même temps, le gars, il a grandi. Le gars qui a écrit le roman, il a grandi. Je peux pas parler pour Philip Kaufman, mais le gars qui a écrit le roman, il a grandi dans ce milieu-là. Fait que, tu sais, dans son roman, je sais qu'il... Apparemment, je l'ai pas lu, là, mais il paraît que c'est très fidèle à l'époque. Je peux pas te dire si le film, il est vraiment, vraiment fidèle, mais j'ai tendance à croire que c'était pas mal ça. Puis je sais que les gangs ont vraiment existé. Le Wanderer, je peux pas dire, mais les autres gangs qu'on voit dans le film ont vraiment existé. Ouais, les Duck... Les Ducky Boys. Les Ducky Boys, puis ceux-là, ça a l'air que ça a vraiment fait... Tu sais, dans le film, ils apparaissent puis ils disparaissent. C'est quasiment surnaturel un peu, cette gang-là. Mais ça a l'air que c'était un peu de même dans la vraie vie. C'est le genre de gang qui sont très menaçants puis très présents, mais ils ont juste comme disparu du jour au lendemain, quelque chose comme ça. Puis c'est un peu le feeling que tu as avec eux dans le film. T'sais, c'est comme ils apparaissent, ils disparaissent. Ils sont jamais réellement là, mais ils sont là. Fait que je trouvais que ça faisait très Carpenter, cette gang-là. À oui, plusieurs reprises, leur première apparition dans la... espèce de brume dans les rues, puis je pense que c'est la seule gang du film que lorsque j'y voyais, je me sentais réellement menacé ou que je sentais un certain danger contrairement aux autres gangs. Puis, puis ces scènes-là sont tournées différemment aussi, quand t'as les gars des Wanderers sont en char puis qu'ils se perdent là, puis qu'ils arrivent justement dans cette... devant cette gang-là, la musique, elle change, le style du film change, on dirait l'invasion des profanateurs quasiment, tu sais. Ah, oh, vraiment? Ben c'est ça, c'est parce que tout le long du film, t'as tout le temps des gros hits qui jouent, puis que ça met dans l'ambiance, mais à partir de quand on voit des Ducky Boys, c'est tout le temps de la musique du film, puis que ça fait pas mal comme plus sérieux et plus creepy comme musique, là. Pis c'est ça que je parlais au début quand je disais que tout le film parle de d'innocence perdue un peu. C'est que ces jeunes-là arrivent, tu sais, la journée est super belle, c'est ensoleillé, ils ont eu du fun, ils ont niaisé des filles sur le trottoir. Puis tout à coup, ils se ramassent dans une rue qui est, on dirait que c'est le soir, tu sais, puis c'est super violent, puis tout. Pis tu vois que ces gangs-là sont beaucoup plus sérieux, tu sais, eux autres. Même, je dirais, les Wong, même si ils sont pas très violents, puis qu'à la fin, ils vont venir les aider, ils sont violents, là, mais tu sais, ils sont... Il y a des gangs qui sont prêts à se battre avec des armes. C'est ça aussi que je veux dire. Que les Wanderers, eux autres, c'est comme on se bat au poing. Les Noirs aussi. Pis, mais t'as des gangs qui, eux autres, sont vraiment plus violents, plus armés. Puis là, ça prend une autre... au début, les gangs de rue des années 50, ça devait être plus inoffensif. Puis ça a comme pris à un moment donné une tournure plus... Une tournure plus violente. Plus violente, t'sais. Au point que peu importe si t'as un inconnu, si tu rentres sur leur territoire, ils sont prêts carrément à pratiquement te tuer. Puis là, c'est plus la même game, là, parce qu'au début, c'était une game d'honneur. C'est comme, OK, on se respecte, on s'aime pas à face, mais on a comme des règles. Puis à un moment donné, ben, c'est comme, il n'y a plus de règles pantoute. Puis si tu joues pas cette game-là, ben, tu vas crever, tu sais. Mm-hmm. C'est intéressant aussi la manière que le film va aborder justement le racisme puis les différences entre les gangs, notamment avec la scène dans la classe avec le professeur. Je trouve qu'elle est vraiment cool, cette scène-là, puis ça démonte un peu tout ça. Ouais, mais moi, ça m'a déçu. Parce qu'ils ont amené quelque chose. Là, c'était comme, OK, on a cette super belle opportunité-là. Là. On va l'amener, puis après ça, on va juste la dropper. Parce que vraiment, tout le long, là, ça me donnait tout le temps le feeling comme si dans le film, il essayait de nous dire que fallait que les Noirs soient moins présents, fallait qu'ils perdent la game de football, fallait, tu sais, tout le temps, comme si c'était comme les pas fins, les pas bons. Puis je suis comme un peu tannée de ce vieux stéréotype-là. Puis moi, j'espérais, quand il est arrivé l'affaire dans la classe, que ça prendrait un autre tournure de justement, comme, tu sais, puis ça prend tellement du temps avant que ça l'arrive que tout le long, genre, t'as le temps de comme... Depuis être là, de faire comme, OK, fuck you, c'est fait, là. Genre, t'as échappé la balle, puis t'as pas été capable de la reprendre. Puis là, à la fin, soudainement, ils sont comme tous brothers parce qu'ils ont réussi à battre l'autre gang. Mais je veux dire, tout. Ça s'est juste fait parce qu'ils se sont battus ensemble. Tu sais, ça s'est comme pas fait pour les raisons qu'ils essayent d'amener dans la classe. Tu sais, dans la classe, quand ils essayent de dire tout le monde est pareil, tout le monde est comme un humain pareil. C'est pas fuck all ça. C'est juste comme, ben, si tu pètes la gueule à celui que j'aime pas, ah, tu vas être cool pour moi. Mais tu sais, j'ai comme pas aimé ça. Il y a des bouts que je filais mal à l'aise un peu, tu sais, comme justement l'affaire, comme tu sais, que toutes les autres gangs avaient tellement d'importance puis étaient tellement plus présentes que justement les gangs plus comme justement les Wong, puis il y avait, je pense, c'était trois sortes de gangs de noirs qu'il y avait. Puis dans le fond, on en retient quoi? Une? Mais il y en avait trois différentes. Je pense qu'il y en avait deux. Au début, il est nomme quand il marche dans le corridor. Puis si je me trompe pas, j'en ai compté trois parce qu'il monte les deux gangs. Puis après ça, il mentionne un autre gang, mais qui est pas là, que c'est supposément comme des gros killer badass. Mais tu sais, ça passe complètement inaperçu parce que c'est les blacks, c'est pas important, tu sais. C'était comme de même. Non, mais moi, ça me frustre, ça, parce que moi, je suis le genre de personne qui est vraiment comme égalitaire, tu sais, comme pour tout. Peu importe ta couleur, peu importe t'es qui, peu importe ta religion, peu importe whatever, tout le monde est pareil. Puis ce film-là avait cette opportunité-là, puis il l'a pas pris. On dirait qu'il voulait prendre deux chemins en même temps. Il voulait faire comme The Warriors, puis être comme plein de gars qui se battent, puis ça va être badass. Puis en même temps, passer un message. Soit en voulant faire deux affaires en même temps, ça a comme pris deux directions qui se rejoignaient plus ou moins, là, tu sais. Ben, en fait, je trouve pas qu'il a forcément voulu faire comme The Warriors, parce que autant le début du film laisse présager que ça va être une série de batailles, autant que le film, ça va dans une autre direction, puis que la bataille est pas si présente que ça. Dans tout le film, t'as une réelle grosse fête à la fin. Ouais. Sinon, les autres scènes que t'as dans le film, c'est des petites interprétations. Puis elle est ridicule, là, la fête à la fin. Tu peux même pas la prendre au sérieux. Il y a à peu près comme 3-4 bouts qu'on a parti à. On n'en parlera pas tout de suite si on va y aller. Non, je sais, mais je veux dire, tu sais, comme tout le long, genre, t'es pas sûr si le film il veut être comme. Il veut être quoi exactement, là. En fait, par rapport à ce que tu dis sur le fait que c'est pas forcément élaboré à part la scène de la glace, puis par la suite, je peux comprendre, parce qu'en même temps, je trouve que le film tente tellement de raconter beaucoup de choses, d'avoir beaucoup de sous-intrigues avec toutes sortes de personnages que par moments, il y en a qui sont mal développés et un petit peu mal amenés, ce que j'ai trouvé c'est un peu... Tu sais, comme le personnage de Karen Allen, au bout du compte, j'ai pas trouvé qu'elle servait à grand-chose puis elle disparaît tout d'un coup à un moment donné. Là. Je sais qu'elle va servir surtout pour la fin, mais avant ça, je trouvais qu'en tant que tel, c'était pas... Tu sais, la relation, il y avait pas vraiment de quoi à développer. Tu sais, tu dis qu'elle va tomber avec en amont avec le personnage de Richie, puis ça va partir peut-être avec une genre d'amourette, mais même là, je trouvais que c'était pas forcément le cas. Non, j'ai résumé ça vite tantôt, mais c'est pas vraiment le cas, comme tu dis. Mais ben, je sais pas, c'est ça, pour revenir deux secondes, c'est ça, moi, je dirais que le film, c'est vrai qu'on dirait que c'est pas vraiment qu'est-ce qu'il va être, mais je pense qu'il focus plus sur l'aspect social puis interpersonnel que sur l'aspect gang, vraiment, là, tu sais. Je pense que c'est vraiment plus le vraiment le changement, comme tu dis au début. Tu vois que c'est vraiment pas mal le principal. Ouais, le coming of age, là. Tu sais, ces jeunes-là qu'il faut qu'ils apprennent à vieillir puis à se prendre en main. Puis, tu sais, comme Richie, le personnage que moi je dirais c'est le personnage principal, c'est celui qu'on suit tout le long. Tu sais, il est comme pogné dans une situation. Puis, tu sais, il veut se faire accroire qu'il est libre dans sa gang, tout ça, alors qu'il est complètement pogné dans. Par le père de sa blonde qui est un mafioso, puis toute sa vie est contrôlée, puis est écrite d'avance, puis à la fin du film, c'est ça qui va arriver. Je spoil un peu, mais je spoil beaucoup même, mais il va se fiancer, sa blonde va être enceinte, son avenir est tout écrit, puis son mafioso de beau-père lui dit, tiens, je te donne une chemise, tu vas faire partie de la gang maintenant, puis à cette heure que quand tu vas être marié, tu n'auras plus besoin de faire la plus besoin de faire la vaisselle, plus besoin de travailler, puis tu vas te faire nourrir. Puis, Ben, en fait, c'est un peu à ça que servait le personnage de Karen Allen. C'était comme un peu sa liberté face à lui, puis il voulait juste quitter tout ça, mais en même temps, il va se rendre compte qu'au bout du compte, ben il est comme destiné à ça, il est écrit à ça, puis il peut pas faire grand-chose au bout du compte. Puis c'est ça la grosse ironie du titre, puis du nom de la gang. Puis, le nom de la gang, il s'appelle The Wanderers. C'est inspiré de la chanson The Wanderer de Dion. Puis les premières lignes de la chanson, ça dit « Je suis le genre de gars qui va jamais se caser, puis où est-ce qu'il y a des belles filles, je vais tout le temps être là, t'sais, je vais tout le temps être présent. » C'est comme... Les autres, ils se font des accrocs avec leur gang. Là, ils se prennent pour des badass, mais c'est pas vraiment des badass parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des gangs pas mal plus badass qu'eux autres. Puis... Puis c'est ça, il faut qu'ils apprennent à. Ils sont rendus à un âge qu'il faut qu'ils apprennent à vieillir. Le pays change, la société change, puis eux autres sont comme pas prêts à changer. Puis c'est encore un jeu d'enfant pour eux. C'est comme on va être une gang parce que c'est cool et non pour prendre ça au sérieux comme les autres, comme tu disais, les Ducky Boys. Ils sont comme un peu forcés par la force des choses. T'en as un de leur gang qui dès le départ du film, lui veut faire partie des Baldies, il veut comme lâcher les Wanderers, il s'est même rasé à la tête, puis il s'appelle Turkey, puis il est vraiment. il sait pas trop où se placer, il est comme sur une, il est comme entre deux gangs, tu sais, puis il va se faire trahir par les Baldies un moment donné, tu sais, puis éventuellement, ben je spoil encore, mais éventuellement il va décéder. De toute façon, on spoil tout le film là, tu sais, je m'en grave, il va décéder, puis c'est ça va les forcer à réaliser que c'est plus aussi innocent qu'ils pensaient, tu sais. En fait, moi, j'aime beaucoup les films de gang. J'avais vu un des premiers films de gang que j'ai vu, parce que j'étais très en retard. J'ai pas vu The Warriors comme la plupart des gens. Moi, c'est j'avais vu Deuces Wild. C'était sorti comme des... Deuces Wild. Ouais. C'était comme sorti début 2000, puis c'était comme avec Stephen Dorff, puis toutes sortes d'acteurs. Puis j'avais vraiment adoré ça. Puis pour moi, ça avait été un peu une genre de découverte, parce que j'étais pas forcément... familier avec le genre, puis par la suite j'ai découvert The Warriors, puis The Outsider de Coppola. Mm-hmm. Puis ce que j'aime de ce film-là, c'est ce genre de film-là, c'est surtout le côté teenage où qu'on voit les gangs évoluer, le côté très rock'n'roll avec des soundtracks d'enfer. Dans ces films-là, t'as tout le temps des gros hits à profusion. Puis c'est un peu ce côté-là que j'aime beaucoup, c'est voir un peu le côté quotidien des gangs, si on veut. Puis c'est un peu ça qu'on vit avec les Wanderers. Puis c'est pas mal ça que j'ai trouvé intéressant, mais j'ai trouvé ça dommage qu'on voyait pas ce côté-là chez les autres gangs. T'sais, en même temps, les Ducky Boys m'intéressaient beaucoup, puis j'aurais comme voulu en voir plus, mais en même temps, je peux comprendre que c'est pas forcément le ouais, ça aurait été un autre film, principal. Ouais, mais c'est ça. Ça aurait été un autre genre de film, je pense. Puis en même temps, il y a tellement de personnages dans le film. Juste les Wanderers, il y en a plusieurs. Puis le réalisateur essaie quand même tant mal que bien de les développer, puis de faire en c'est sorte ça. Qu'on les connaisse pas mal tous. Là. Comme tu disais, c'est pas super bien cousu, tu sais, s'il y a des affaires qui... On se perd un peu dans l'histoire. Même tout à l'heure, avant qu'on commence l'épisode, je relisais le résumé détaillé sur Wikipédia. J'étais comme, ah oui, OK, je me rappelle de ça. Tu sais, je l'ai écouté cette semaine, puis il y a plein de trucs que j'essaie de rattacher dans ma tête des événements qui se passent dans le film, parce qu'à un moment donné, c'est tellement chaotique. Puis ça, c'est son gros problème, là, le scénario est vraiment décousu. Trop chargé aussi. J'ai lu que le livre est divisé en 12 chapitres, puis les 12 chapitres racontent chacun une histoire différente, puis ils sont juste interconnectés par les personnages qui font des apparitions dans les différentes histoires. Mais c'est comme 12 chapitres vraiment, c'est comme 12 petites histoires différentes. Le scénario a changé des affaires puis a recousu tout ça, mais ça paraît encore décousu, je trouve. Mais il y a vraiment le potentiel de faire une série avec ça. Oui, c'est vrai, une série télévisée avec tous ces personnages-là, oui. Ça serait vraiment intéressant. Mais tu sais, je parlais de musique, le soundtrack là-dedans, c'était comme ça doit être une des choses que Jeff aime le plus, parce qu'il est monumental, c'est comme... le nombre de hits puis de chansons là-dedans qui jouent, c'est hallucinant. Tellement qu'à un moment donné, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop chargé en musique. Je veux dire, je comprends que ça sert à mettre dans l'ambiance de l'époque, comme la plupart de ces films-là, mais je trouvais que t'en avais quasiment aux deux minutes les chansons, puis je trouvais qu'à un moment donné, c'était peut-être trop. Ben, c'était trop, considéré que c'est pas un musical. Si ça aurait été un musical, ça aurait fité, mais là, c'était pas un musical. Ben, c'était juste un film avec un paquet de musique. Ça dépend. J'ai jamais vraiment entendu personne dire que pour Forrest Gump, c'était trop. T'sais. Puis il y en a deux fois plus dans Forrest Gump, je pense. Mais sauf que Forrest Gump, c'est... la musique, elle joue pas comme... comment je pourrais dire? La musique est un peu le fil conducteur dans le sens où elle suit les époques. T'sais, tandis que là-bas... Tandis que dans The Wanderers, c'est comme s'ils avaient pris Greatest Hit, 50s and Swing, whatever. Mais... Là, ils ont dit, on va le faire jouer au complet du début à la fin. Il y a deux parties que j'ai remarqué que là, vraiment, comme à la fin, quand ils chantent The Wanderer, puis quand ils sont en auto, puis ils chantent la chanson. Mais le reste du temps, c'était comme... Tu sais, ça fitait, mais c'était comme un peu forcé. C'était pas vraiment comme... Ben, comme juste la partie de football, tu sais, je pense que t'as deux ou trois hits qui jouent d'affilée. Qui jouent mélangés avec la musique tragique. Fait que là, ça fait comme... Puis t'es comme, what the fuck is going on? C'était tellement weird. Ça, c'est l'affaire, là. C'est l'affaire que j'ai le plus détesté dans tout le film. C'est cette grosse fight scene-là. J'ai détesté ça. Oui, mais on n'arrive pas tout de suite à cette fight scene. Je sais, mais... C'est une des affaires que j'ai le plus détesté de ça, c'est la musique, justement, comment c'était tellement décousu. Puis je suis comme, non, c'est pas de même que tu fais la musique dans un film. Là, ça marchait juste vraiment pas, là. J'étais en train de regarder voir les années des chansons qui jouent dans le film, parce que moi, mon feeling... Il y a plein des années qui fitaient pas, là. Mais en fait, moi, mon feeling, c'est justement que moi, je trouvais que ça fitait la soundtrack, parce que je me disais, au début, ça commence super innocent, puis maintenant, on arrive dans des tunes comme plus comme Stand By Me, puis des trucs comme ça qui sont... Non, mais t'as des tunes comme ça qui fit durant les scènes, mais il y en a d'autres que je trouvais que c'était juste là pour... J'avais plus l'impression que sa musique servait à essayer de mettre du rythme, parce que le film dure 2 heures, puis veut pas, par moment, je trouvais qu'il y avait des petites longueurs, puis je trouvais que la musique servait justement à peut-être essayer de faire paraître le tout un peu mieux géré au niveau du rythme. Non, je suis d'accord, ça se peut, c'était mon feeling, mais j'en regarde des années, finalement, c'est 59, 60. Je pensais que Stand By Me était plus récente que ça, mais c'est 60. Je pensais que c'était genre 63, je me disais... plus tu avances dans le film, plus les chansons deviennent plus récentes, tu sais, je veux dire, comme dans Forrest Gump, dans le fond. Ouais, non, c'est ça. Dans Forrest Gump, c'est bien dosé aussi, parce que souvent, de la manière que la musique est amenée, elle va pas toujours être en avant-plan, tandis qu'il y a des bouts dans Wonders où la musique, c'est vraiment la musique, là, est forte, elle est là, comme c'est pas, elle joue pas dans le background, tu sais. Mais comme c'est toutes des tunes que j'aime, ça me dérangerait pas vraiment. Mais tu sais, j'avoue, ben, je comprends, là, je regarde aussi du point de vue d'un cinéphile, puis j'avoue que c'est décousu aussi, là, un peu, peut-être. C'est trop présent, là. Il y a bien des chansons que j'adorais jouer, puis j'ai rien contre soundtrack. Au bout du compte, la plupart des tunes, j'étais en train de les chanter dans ma tête en même temps, puis je trouvais ça cool. Puis surtout la tune principale du film. Puis une de mes scènes favorites dans le film, c'est quand ils sont dans la voiture, puis Perry... qui est un des personnages que j'aime le plus du film, commence à partir un beat, puis toute la gang commence à la chanter, puis moi, c'est vraiment une des scènes que j'ai le plus préférée du film. Oh oui, moi aussi. Puis justement, mais, ça donne, tu sais, justement, qu'après ça, ils vont se perdre, puis on s'en va aussi devant les Ducky Boys, puis tu sais... C'est aussi une des scènes que j'ai préférées du film. Je pense que c'est un des meilleurs passages que j'ai aimé du film, mais j'adore le personnage de Perry, qui a l'air du gros tough innocent, mais en même temps, je sais pas, il y a un petit côté... Du côté attachant, parce que le gars, il a juste l'air de pas trop connaître tout ça. T'sais, il vient du New Jersey, fait que ça a l'air tout nouveau pour lui, les gangs puis ces choses-là. Puis le voir rentrer là-dedans, je sais pas, je le trouvais vraiment intriguant comme personnage. Puis je pensais peut-être qu'on allait plus en apprendre avec sa mère, mais finalement, on la voit jamais. Non. Puis, j'aime son côté calme, c'est ce que j'aime de son personnage. Puis côté calme, sa première apparition quand il dit. Let the kid alone. T'sais. Ben, c'est tellement drôle, parce que la première fois qu'on le voit et qu'il dit ça, je me dis, ah yo, on dirait quasiment John Wayne. Puis t'as un personnage dans le film qui dit, hey, t'as vraiment une attitude de John Wayne. Fait que j'étais comme, d'après moi, c'était de vous être la petite allumette d'embauche. Par contre, l'allumette d'embauche, ça me rappelait Stallone dans Cobra, qui avait tout le temps sa petite allumette. Ça, c'est venu avant. Fait que... Oh non, je sais. Peut-être que Stallone s'est inspiré de Perry. C'est ça. Puis c'est un gars que j'ai déjà vu après ça plus tard dans chez Porky, fait que c'est pour ça qu'il me disait de quoi, je le savais. C'est un acteur que je trouve sympathique, j'aime bien la gueule, t'sais. Apparemment que c'est un gars qui est un gros maniaque de ça paraît de toute façon que son corps, mais c'est un gros maniaque de gym, là, t'sais, puis j'écoutais du monde parler sur YouTube de lui, je voyais une entrevue avec lui, justement une entrevue récente, il a pas trop changé, mais dans le fond, ça disait que à l'époque, il pouvait se placer en dessous d'un char pour se coucher en dessous d'un char puis le soulever, t'sais, avec ses bras. mais les autres acteurs aussi, je les haïs pas. Celui qui fait Joey, le petit énervé, je l'ai jamais vu dans d'autres choses, mais je l'aimais bien. Celui-là qui a une relation un peu tendue avec son père. Oui, oui. Emilio, qui est un fan aussi de culturisme. Oui, pas mal. Mais Joey, je te dirais que parmi les personnages que je trouvais les plus intéressants, c'était Perry, Joey puis Richie. Oui. Mais Richie, en même temps, comme tu dis, c'est pas mal le personnage principal. C'est lui qui est le plus développé, dans le fond. Ouais. Mais je pensais justement, j'étais comme, ok, Joey, avec son père, j'étais comme. Je pensais que son père était peut-être plus violent que ça, parce que la première fois, tu vois son père, puis qu'il est dans le corridor avec Perry, tu sais, il rentre assez violemment dans l'appartement, mais tu sais, c'est plus ou moins clair, puis encore là, je trouvais que c'était quelque chose qui était plus ou moins développé, sa relation avec son père. Puis. C'est quoi, je voulais dire, j'ai coupé de mon billet. Mais dans autres personnages. Je sais que je m'en allais avec ça, je suis perdu. Les autres personnages que j'aime aussi, j'ai oublié de mentionner, mais il y a la blonde à terreur. J'aime beaucoup Pee-wee. Oui. Tu parles du jeune? C'est une fille. C'est supposé être une fille, c'est ça, je te disais. Tout le long du film, ça a l'air d'un petit gars, fait que ça a un gros feel pédophile bien rare. C'est une petite fille. C'est okay, dégueulasse. Ben, même moi, j'étais un peu confus sur le coup. Ah. À un moment donné, j'ai comme catché, tu sais, elle avait du rouge à lèvres, mais en même temps, j'étais comme, ça a vraiment l'air d'un petit garçon. Ils ont vraiment l'air d'avoir pris un garçon pour faire. Je suis d'accord, mais c'est... je regarde le nom de l'actrice, c'est Linda Manns, c'est une petite fille. Ah, OK. Puis elle avait 18 ans dans le film. Ben, en même temps, vu qu'elle était dans la gang, c'était peut-être pour avoir une allure... badass. Mais c'est aussi, je me suis pas trop posé la question. J'avoue qu'elle avait l'air d'un gars, mais dans West Side Story, il y a une fille qui suit la gang principale, fait que qui a l'air aussi d'un. C'est pas le fait qu'elle avait l'air d'un gars, c'est le fait qu'elle avait l'air d'un petit gars. Ouais. Elle avait l'air de. Lui, il avait l'air, je baise un petit gars de 8 ans et demi, là. Oui. C'est dégueulasse. C'était comme tellement perturbant. À chaque fois que je la voyais. Je l'aurais pas dit de même, là. Mais... Non, à chaque fois que je la voyais, j'avais hâte qu'il y ait des crises de l'écran, là. J'étais comme, ok, va-t'en, là. Non, mais en fait, je l'aimais, ce personnage-là, puis je la trouvais intéressante. C'est plus, mettons, la scène où que Terror l'embrassait. Oh. Moi, honnêtement, j'étais mal à l'aise avec cette scène-là, parce que j'étais comme. Moi aussi, je trouvais que ça avait l'air vraiment d'un enfant qui se fait embrasser par un adulte, puis je trouvais. Ça m'a mis mal à l'aise. Ouais, comme, quel choix fucking weird dans le casting. Je sais pas, comme. Qu'est-ce qu'il avait fait, si c'était un lendemain de brosse ou de quoi, mais la personne au casting, là, a vraiment fuck, a des problèmes, là, comme, ça va pas bien. Mais c'est ça, moi personnellement, je l'aime bien, parce que j'aime son personnage, parce que c'est un personnage un peu, tu sais, qu'elle est juste, est amoureuse de lui, elle essaie de le guider dans ses décisions un peu, mais ça marche jamais, parce qu'il y a une petite grosse tête dure, terreur, puis tu sais, c'est un peu tragique à... De le voir faire, puis de le voir s'enrôler dans l'armée, mané, cette scène-là est assez troublante, parce que le gars de l'armée, il est vraiment manipulateur au bout, puis il a vraiment pogné ces flots-là, puis tu sais, venez-vous-en, puis je vous piège dans ma petite histoire, tu sais, puis je vais vous forcer à aller vous battre, tu sais, contre votre gré, tu sais. Mais c'est un peu comme ça, par exemple. Comme moi, je me souviens, quand j'étais au cégep, il y avait comme un genre de career day. Puis là, t'avais plein de stands, t'avais, mettons, comme, tu sais, la Banque des Jardins venait travailler chez nous. Puis t'avais le stand de l'armée. Bon, ici, c'est moins extrême qu'aux États-Unis parce que c'est au Canada. Mais moi, Steven aussi maintenant parce qu'il habite ici, lui aussi. Mais moi, je viens d'une région fédérale où, tu sais, c'est quelque chose de quand même assez important, là. Mm-hmm. Puis il y avait le stand de l'armée canadienne. Puis, tu sais, il était... Tu sais, il avait l'air comme heureux, là, pis ils font exprès, les mettre du monde qui sont jeunes. Ils mettent pas comme un vieux crouté de l'armée, là, qui est comme le sergent, caporal de je sais pas quoi, là. Ils te mettent comme un jeune soldat, tu sais, qui est comme, ouais, oh, c'est vraiment cool, tes études sont payées, pis ta-ta-ta. Pis moi, j'ai beaucoup de monde qui sont allés dans l'armée, dans ma famille aussi. Beaucoup de mes amis aussi, évidemment. Dont un de mes amis, que c'est comme ça que ça s'est fait. On était tous au cégep, une bonne journée, pis il y avait ce kiosque-là, pis il dit, wow, tu sais, lui, il était vraiment inspiré par le speech, puis il a rempli les papiers, puis il a fait deux tours, en fait. Hein. OK. Fait que c'est ils recrutent comme qu'ils peuvent. C'est juste qu'apparemment qu'aux États-Unis, c'est un petit peu plus facile de rentrer dans l'armée, puis un petit peu plus extrême. Parce qu'ici, c'est pas facile de rentrer dans l'armée. Ils font beaucoup de recrutage, là, mais ben du monde essaie de rentrer dans l'armée, puis ils sont refusés parce qu'ils sont très, très stricts, puis t'as plein de tests sanguins, puis tout le kit à faire, puis... Comme, c'est pas n'importe qui, pas comme ils montent aux États-Unis, là. Tu peux pas te lever un matin et dire bon, ben je m'en vais dans l'armée, ciao, comme c'est pas de même ça marche. Ou signer un papier en état d'ébriété, là, comme non, non, c'est ça. Mais apparemment, là, j'ai un de mes amis qui est maintenant plus sous le Commonwealth de la Reine, il est maintenant américain, puis il dit que là-bas, c'est comme. Ils prennent quasiment n'importe qui, là. C'est comme. Un peu plus, puis te donne un flyer sur le bord de la rue, puis ça a l'air que c'est vraiment n'importe quoi, là. N'importe qui peut y aller, puis... Ben, comme pour acheter une arme. Ouais, ben c'est à peu près ça, tu sais, eux autres sont bien gung-ho là-dessus, puis ça paraît, là, fait que cette scène-là, moi, j'avais même pas de misère à la croire, j'étais comme, ouais, c'est legit, ça se pourrait que ça s'aide. Non, moi. J'ai pas de misère à la croire, c'est juste que je le trouve haïssable, le gars de l'armée, puis... Ouais, définitivement. Tu sais, je trouve que ça devrait être illégal, cette manière-là de recruter du monde, là. Ils sont même pas en mesure de comprendre ce qu'ils font, là. Ouais, non, exactement. C'est ça, elle regarde à travers la vitre, puis je trouvais ça... J'aime bien cette petite scène-là. Ouais. Puis, ben, c'est ça, parlons-en de la bataille à la fin pour... dans le fond, en relisant le résumé, parce que... Parlons-en de la grosse joke à la fin du film. Juste pour résumer un peu le truc, c'est, dans le fond, après l'affaire de la classe, où ce que le prof a comme déclenché une sorte de... Ben, il y a comme... pas déclencher, mais à allumer un peu la rivalité entre les Noirs et les Italiens, tu sais, la gang des Wanderers. Ils ont décidé, eux autres, de trouver une façon de régler le différent. Puis, c'est sûr, un match de football va être organisé vers la fin du film pour les mettre un contre l'autre, là, régler leurs différents. Puis c'est ça, puis il va y avoir un match de football, puis durant le match de football, puis on a les Ducky Boys qui vont venir se présenter, mais par plusieurs dizaines, peut-être même une centaine de jeunes qui arrivent, là, pour foutre la marde. Fait que vous avez pas aimé ça. La moitié de la ville fait partie des Ducky Boys. Exact. C'est comme un citoyen sur deux est un Ducky Boy. C'est à peu près le feeling que j'avais. Et New York, c'est une grande ville, ça peut être... ouais. Ils sont dans un quartier, je sais pas lequel... le film se passe dans le Bronx, mais je sais pas si les Ducky Boys viennent du Bronx. Là. Mais... Ben, je sais pas, hein, c'est vrai, on sait pas réellement de quel secteur qu'ils viennent vraiment, parce qu'à chaque fois qu'on se retrouve... C'est des Irlandais, mais je sais pas exactement ce qui se tenait, les Irlandais. Okay. Parce qu'à chaque fois qu'un personnage se retrouve là par accident, on est autant perdu que lui dans le chemin, puis on sait plus trop où c'est qu'on est situé, que ce soit la gang qui chantait dans la voiture ou... l'autre qui a été dompé par sa gang puis qui part courir un peu partout puis se retrouve à l'église. Puis c'est drôle, c'est une gang super violente qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de principes ou d'honneur, mais ils vont à l'église. Oui. Tu sais, puis qu'ils vont manger un hostie. Puis, avant de sortir dehors pour aller faire ce qu'il va faire, tu sais, le gars prend la peine de faire le « Je vous salue Marie » puis... Tu sais qu'il a une grosse croyance, mais en même temps, il va totalement à l'encontre de ce qu'il faisait dans l'église. Là, c'est fou. Mais moi, je me souviens pas dans le film qu'ils disent que c'est une gang d'Irlandais, parce qu'il y a une gang d'Irlandais qui porte des jackets verts. Puis à un moment donné, les Wanderers essayent de les recruter, puis ils sont comme « Ah, venez vous battre avec nous autres, against the colored people! » Puis eux autres sont comme « Fuck no, man! » Parce que les Irlandais ont pas juste ça à faire, il y a tellement de bière à boire. Ça m'a fait très ça, par contre, cette scène-là, avant de revenir à la bataille, quand ils essaient de recruter pour aller se battre justement contre les Noirs, puis là, il y a les Wong qui arrivent, puis là, les Wong, c'est comme... nous autres, on se recrute jamais avec personne, mais à un moment donné, tu sais, ça va arriver un jour, là, tu sais, peut-être. Puis là, ils viennent pour s'en aller, puis là, t'en as un dans la gang qui est comme... foutez le camp, espèce de chintuck ou je sais plus trop quoi, puis c'est comme hey, arrête, ils pourraient nous attendre, mais non, ils sont même trop là pour nous attendre. Puis c'est comme il y en a un qui dit dépassez pas la limite avec les Wong ou je sais pas trop. Je trouvais ça bien drôle. Ils sont le fun, les Wong. J'ai trouvé ça dommage qu'on les voyait pas plus. D'après Wikipédia, les Ducky Boys, c'était des Irlandais du Bronx. Puis okay. Pour plusieurs résidents du Bronx, la Ducky Gang était une de ces gangs mythiques. Plusieurs personnes n'avaient entendu parler, mais les voyaient presque jamais. Ils ont été appelés les Boogeymen of the Bronx. C'est le feeling que t'as dans le film, en tout cas, quand t'es voix. Mais moi, ça m'avait porté à confusion avec, comme, au début, quand ils nomment les gangs, puis là, il y avait ceux avec les jackets verts, puis ils étaient avec les Donahues ou je sais pas trop, là, puis là, ils étaient comme, ah, eux autres, c'est les Irlandais, puis eux avaient plus l'air d'avoir l'attitude irlandais, là, si on veut. Là. Ouais. Plus ceux qui sont comme « Ah, le chanteur est plein de préjudices envers les Irlandais. » Non, man, je suis irlandaise, j'ai le droit. On a le droit de décider notre propre monde. Ils sont vraiment comme nonchalants, puis on se mêle pas de rien, puis on s'en calisse. Puis... C'est un peu le même là, dans la vraie vie, pour vrai. Ouais. Mais les Ducky Boys, c'est fucking épeur, hein? Fait qu'est-ce que vous avez pas aimé dans Bataille? En fait, c'est bordélique. Oui. J'ai trouvé que c'était une bataille bordélique parce que quand j'ai vu la bataille arriver, quand tu vois que les Ducky Boys sont vraiment surpeuplés, puis que là, on se retrouve juste avec les gangs, les Colors, les Wanderers, les Wong, tout ça, je me suis tout de suite dit, OK, ça va être le fameux moment où toutes les gangs vont s'allier parce qu'ils n'auront pas le choix pour la survie, ces choses-là. Mais la scène est... Autant elle essaie d'être violente et réaliste, autant elle va dans la surenchère et... Je suis parti à rire, tu sais, t'as comme la bataille part, tout le monde commence à se battre. Là, t'as le père de Joey, ouais. Le gros culturiste. « Attendez les jeunes, j'arrive! » Là, il pète le banc. Il se prend un bout de bois comme un colon. Ouais, une grosse planche de bois, c'est comme « Je m'en viens kicker des culs! » C'est une caricature, du début jusqu'à la fin, là. Ah, vraiment? Puis là, je pense que... Le... OK. Il bat le monde. C'est moi qui dis, c'est ma scène. OK, dis-les. Vas-y, chérie. Tout le monde t'écoute. Vas-y. Le film contient une des scènes les plus drôles que j'ai vues depuis longtemps. C'est lorsque le père de Joey utilise un gars comme arme pour frapper les autres gars en tournant, en faisant un 360 avec un gars des mains. Tu sais, c'est vraiment un surenchère. Tu peux pas prendre cette scène-là au sérieux puis pas rire. Là, j'étais vraiment plié en deux. J'étais comme, ben voyons. Mais pas rien que ça, c'est direct dans ce bout-là, quand il swing le dune, que ça part comme de musique creepy à musique joyeuse, à musique creepy, à musique joyeuse. Puis t'es comme, qu'est-ce que je fais? Ben c'est ça, durant la scène de la bataille, t'as comme une musique rythmée qui part, tout le monde se bataille, c'est quasiment farfelu. Puis là, après la bataille, ben là, t'as une musique dark qui repart, puis là, tu vois le monde qui sont blessés à terre, qui saignent. Tu sais, je trouvais que la scène savait pas sur quel pied danser. C'est l'effet que ça m'a fait sur la grosse bataille, alors que c'est, en tant que tel, c'est supposé être une bataille épique et violente et pris au sérieux. T'sais, on est quand même dans une espèce de drame. Là, c'est pas supposé être drôle ou farfelu, mais j'ai trouvé que cette scène-là était juste trop bordélique. D'un bord, tu voyais le père de Joey qui faisait toutes sortes de trucs complètement ridicules. D'un autre côté, tu voyais les Wong qui faisaient du kung-fu. Du gros art martiaux, là. ça faisait un petit peu trop de stéréotypes. C'est des Chinois, fait qu'on va les faire battre en faisant du kung-fu. Mais non, c'est vraiment ça qui m'a le plus agacé de cette scène-là, c'est que je trouvais qu'elle savait pas sur quel pied danser en termes de... Puis à la fin, là, l'espèce de fausse joie, gloire, « Dad, we made it! » Bah! Il punch dans le ventre, il y a une face de malade, genre « Come on! » T'es comme « Yo, calme-toi! » respire, là, genre, lâche les stéroïdes, il y a de quoi qui marche pas. Puis là, il se rend même pas compte que l'autre, il est en boule à terre, on sait même pas s'il l'a tué. Moi, j'étais comme, aïe, il l'a-tu tué? Parce que 5 minutes avant, il était à terre, puis ses chums étaient comme, Joey, wake up, man, oh my god! Puis là, j'étais comme, aïe, s'est-tu fait stabber? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, il arrive, tout en bouettant, tout croche, we made it up! Puis il se fait défoncer. Gros coup de poing dans le ventre. Ah, son pire, c'était malade mental. Puis l'autre, il est là avec les veines qui sortent dans le cou, comme yeah! Puis comme, j'étais sûre qu'il l'avait tué. Pour vrai, là, je pensais que la scène d'après, c'était comme saut au funérail de Joey, genre comme son père l'a tué, il était trop craqué. Son père, il a un sérieux problème, là. Non, vraiment, c'était tellement con. Je suis traumatisée. Mais non, moi, tu sais, je vais être honnête. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, de la scène, Jeff? Ben moi, je l'ai pris au sérieux. Fait que, tu sais, j'étais comme, je me laissais embarquer dans l'action. Puis tout. C'est vrai que c'est ridicule, tu sais, j'avoue que c'est. Je suis pas idiot. J'avoue que c'est ridicule les passes ou ce qu'ils utilisent quelqu'un pour se battre ou sa grosse planche, puis tout, tu sais. Mais juste l'ensemble des répercussions, tout ça. Tu sais, moi, je me laisse embarquer dans l'histoire, dans le film. Puis, puis c'est ça, tu sais. La scène est un peu. Comme tu dis, c'est pas aussi épique. En tout cas, mais c'est parce que je me dis, dans la vraie vie, une bataille, je n'ai jamais vu vraiment une bataille de plusieurs gangs comme ça, mais tu sais, cette gang-là est arrivée, les Ducky Boys, pour battre tout le monde, pour fesser sur tout ce qui bouge quasiment. Mm-hmm. Fait que c'est comme tout le monde doit se défendre comme il peut, puis il n'y a pas vraiment de règlement, puis d'ordre, puis c'est pas ordonné comme bataille, tu sais, c'est pas mis en scène, fait que c'est comme c'est pour ça que c'est un peu n'importe quoi, tu sais. Ouais, mais là ben c'est pas le fait que ça soit pas chorégraphié ou bien réalisé, tu sais. Je comprends le côté plus naturel que chacun pour soi, là. Ouais, chacun pour soi, puis tout le monde varge n'importe où, puis y a pas de coup de poing qui a d'allure, mais c'est juste vraiment la manière que ça a été fait, tu sais. Comme tu dis, c'est supposé être plus naturel, puis tout le monde marche dans le tas, mais en même temps, tu vois les Wong qui font vraiment du kung-fu, ouais. C'est, ces moments-là sont chorégraphiés, ou le père de Joey, fait, en même temps, c'est ces moments-là dans la bataille, moi, qui me dérangeaient, parce que tu regardes d'autres films, que ce soit The Warriors ou The Outsider, où il y avait des batailles, comme tu dis, plus naturelles, où c'est comme on se bat pour sa vie, puis on marche dans le tas, puis je trouvais que ça marchait un petit peu plus. J'étais plus impliqué dans ces scènes-là que cette grosse bataille-là qui est supposée être un peu le gros moment du film. Oui. Puis moi, je suis le genre de personne que, tu sais, les petits détails par rapport, des fois, ça me gosse. C'est quoi ce terrain de football-là? Il n'y a pas de gazon sur leur terrain de football. Fait que là, il y a de la poussière partout. Puis c'est sincèrement le pire terrain de football que j'ai vu de ma vie. Pour vrai, là, il n'y a même pas l'air d'avoir d'école proche. C'est un terrain de football dans le milieu de nulle part, quasiment dans le désert. C'est juste comme... c'est tellement laid! Puis je le regardais, puis c'est le genre d'affaire qui me gosse, comme surtout si c'est trop mis en évidence. Puis là, c'est vraiment mis en évidence parce que là, ils jouent au football, sont tout sales, la poussière vole partout. Là, ils se battent, là, c'est comme le festival de la poussière, puis tout partout. Puis je suis comme, Christy, il n'y a même pas de gazon sur ce terrain-là, c'est dégueulasse. C'est comme, je sais pas où, en tout cas. Ils ont sûrement eu un problème de location là, pour le film, c'est sûr. Là. Mais je regarde, vite de même, je sais pas. Là, j'ai essayé de regarder sur Google si pourrait trouver un terrain de football du Bronx qui ressemblerait à ça, là, une photo ou quelque chose, mais je sais pas où ça a été filmé. Puis comme, tu sais, en plus, genre, déjà qu'il y a plein d'affaires que je trouvais racistes dans le film, là, les Asiatiques, ils font du kung-fu, tu sais, c'est comme... Ouais, mais c'est un petit peu typique de l'époque, là. Le film a été tourné en 79. Non, je sais, mais c'est parce que, tu sais, pauvre gars qui se dit, OK, je vais montrer à tout le monde que tout le monde est égal puis tout le monde est pareil, mais en crissant plein de stéréotypes qui n'ont pas rapport. Genre, il manquait juste comme. Tu sais, ça faisait aucun sens, là, en tout cas. T'as pas de cracher sur le film tout à l'heure. Y a-tu des choses que t'as aimées? Ben, j'ai aimé quand le gars, il battait le monde avec un autre dude, là. Non, mais plus sérieusement. J'ai aimé le père à Joey, il me faisait rire. Non, j'ai pas aimé le film pantoute. Non. Non, je l'ai pas aimé. C'est comme là, j'en ris là, après coup, mais du coup, quand je l'écoutais, là, je me disais, fuck, c'est long. Tu sais, pis le pire, c'est que je sais qu'on va en parler tantôt de Grease 2, là, mais comme. Je pensais vraiment que ce serait, tu sais, Grease 2 qui serait comme le film de tu sais. Mais non. Non. C'est pas supposé ben, dire. Ça se peut. je comprends ça, tu sais. Moi, je l'aime beaucoup le film, mais je comprends ça. Pour je m'excuse. Mais non, c'est... Mais gars, moi, je suis pas forcément du même opinion que Chantal. Là. Il y a bien des choses qui m'ont dérangé, puis j'ai dit des défauts, mais quand même. Pas mal de trucs que j'ai dit aussi que j'appréciais dans le film, puis j'aime beaucoup la reconstitution de l'époque, puis le feeling avec la soundtrack, puis le côté gang, je trouve que tout ça fonctionne. C'est juste qu'il y a plein de petits trucs décousus ou des petites choses qui m'ont achalé au bout du compte, mais ça n'enlève à rien que j'ai quand même fait une belle découverte avec le film, là. Je l'ai quand même beaucoup apprécié. Là. Puis Nina, c'est une bitch. Vraiment. Nina, c'est laquelle, ça? Ah, OK. Puis moi, je l'aime, cette actrice-là, dans la vie, parce qu'elle joue dans Scrooge. Pis c'est mon film préféré. Ouais. Elle est super charmante. Donc. Là-dedans, ben même là-dedans, elle est charmante, je trouve. Moi, non, elle est chienne. Là. Ben, elle est chienne juste parce qu'elle couche avec Chuck Richie et elle s'en fout de sa blonde. Ouais, c'est ça. Dire... Puis elle s'en fout de l'autre pauvre petit dos. Joey, il fait pitié là-dedans, là, pauvre gars. Puis elle est comme, oui, je vais aller en détecter avec toi, sac. Non, mais c'est parce qu'en même temps, ça, c'est même pas de la faute à elle. En tant que tel, c'est à cause de Richie. C'est Richie qui essaie de les relier, mais en même temps, il fait ça pour que lui, il les aide. Mais moi, je pense qu'elle a juste playé Richie parce que quand la mère d'appoint est comme, fuck you, je m'en vais. Pas d'école, puis t'as revoué plus jamais, elle essaye pas de le recontacter, juste comme, hein, whatever. Ben, je pense pas que c'est juste comme elle voulait faire la marche, je pense juste que, au vu de comment ça a tourné, ça a juste à donner que les deux personnes se sont jamais revues, c'est tout. Le seul moyen de contact qu'elle avait, c'était d'appeler Joey pour pouvoir réussir à avoir un rendez-vous avec Richie. C'est la seule raison pour laquelle elle a appelé Joey, c'est pas parce qu'elle était intéressée après Joey. C'est pas le mec. Le numéro de téléphone de Richie? Ben, elle voulait pas. Mais non. Non, mais en fait, elle voulait pas donner son numéro à Richie. Fait que Richie voulait. Je sais pas pourquoi Richie voulait pas donner son numéro, en fait, pourquoi il a donné le numéro à Joey. Y en a-tu un numéro? C'est peut-être pour ça, je me disais peut-être qu'il y avait pas de numéro de téléphone. C'est où qu'il reste Richie? On voit jamais sa mère. C'est vrai, on le sait même pas. La première fois qu'on le voit, c'est dans le fond, il est chez son autre copine. Ouais, qui s'appelle Despy. Mais j'ai pas retenu son nom dans le film, là, mais je vois ça dans le générique. Ben, ça, je pense qu'on sait jamais où ce que Richie vit en tant que tel. On le voit tout le temps ailleurs. C'est vrai. Mais c'est ça, peut-être qu'il n'y a pas de maison. C'est pour ça qu'il n'y a pas de téléphone et qu'il n'y a pas voulu de numéro. Peut-être qu'il n'y a pas de famille. Peut-être qu'il fait pitié. C'est peut-être qu'il vit à de l'orphelinat. Qu'il vit dans son char. Peut-être qu'il vit dans son char. Oui, il y en a un char. Non, c'est char à Perry. C'est char à Perry. Hein. Il n'y a pas de char, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de maison, il n'y a pas rien. Ben, c'est pour ça qu'il se fait adopter par son beau-père aussi, dans un sens. Il n'y a pas le choix d'aller dans la mafia. C'est ça. Fini la vie dans la rue. Ouais. Maintenant, c'est chemise hawaïenne avec du gros cash. C'est ça. Puis ils boivent du. À un moment donné, j'ai-tu bien vu? C'était-tu comme du tangerine snack? Ah, du tango, quelque chose comme du ça que c'était marqué? Ça a-tu l'air dégueulasse? Ah oui. Même Steven, à un moment donné, était comme, c'est quoi qui arrête pas de voir dans le film? Je suis comme, je pense que ça existe pas pour vrai, là. Ben, comme tu disais, c'était peut-être de la vodka, du jus d'orange. Moi, ouais, c'est ça que j'avais pensé aussi. Du schnapp, c'est déjà pas super hot en partant, mais là, du tango, comme le jus tango, du tang schnapp. Je me suis demandé que vous me posiez la même question, hein, que c'était juste. Mais sinon, après la grosse fête de bateau, moi, j'ai vraiment apprécié... La finale, ben c'est ben, pas... Je vais juste revenir deux secondes sur la grosse bataille pour finir. Non, mais pour finir, c'était juste pour dire que moi... Tu sais, dans le fond, je t'ai parlé la semaine dans un des derniers épisodes qu'on a fait sur Collatéral, je te disais qu'il y avait une scène dans un bar qui avait beaucoup d'action, beaucoup d'affaires qui se passaient en même temps, puis un gros montage hyper rythmé que moi, à un moment donné, ça m'a comme perdu. Des scènes, il y a trop d'action, mais à un moment donné, je finis par décrocher puis attendre que le calme revienne, tu sais. Puis ça m'a fait ça un peu dans la bataille, dans The Wanderers, parce que moi, oui, c'est la grosse scène où ce que tout culmine, mais en même temps, tout ce que je veux savoir, c'est comment ça va se terminer. Je veux pas vraiment le combat, je m'en fous un peu. Fait qu'à un moment donné, je finissais par plus vraiment regarder. C'était comme un peu. Ça devenait tout pareil, du pareil au même pour moi dans mes yeux. Puis j'avais juste hâte que ça finisse. Là, fait que c'était comme, ok, je veux juste du monde se battre. Puis à un moment donné, je sais même plus qui est qui. Fait que je m'en calisse. Là, fait que. Mais j'avais juste senti ça. J'aime plus dans un film quand ça parle, comme j'ai déjà raconté plusieurs fois que Transformers, j'ai été le voir au cinéma le premier film, puis je me suis endormi à la fin durant la grosse bataille finale parce que je m'en calissais. J'aimais mieux, je voulais voir des acteurs qui parlent, je voulais pas voir des. T'as pas été voir de bons films. Non, je sais bien, mais tu sais. mais en même temps, il y avait du bon monde dans le film, il y avait John Turturro, puis en tout cas, peu importe, mais. Mais c'est ça, ce que j'aime de Wanderer, c'est les scènes, souvent les petites scènes, les petits moments, la scène de poker, je la trouve intéressante. Mm-hmm. C'est niaiseux au bout, c'est le fait de descendre niaiseux, mais je trouvais ça le fun. Puis c'est ça, moi, c'est l'évolution de Richie puis de ses amis. Puis la finale, je la trouve tellement triste pour Richie. Si je continue à prendre le film au sérieux, là, je suis peut-être le seul, mais je trouve la finale triste pour Richie parce que lui, il reste vraiment poigné dans son image des années 50, dans son image de Wanderer, tandis que tous ses amis vont finir par passer à d'autres choses, soit par la force des choses, soit par leur propre décision. Mais c'est comme Perry et Joey vont partir, ils ont décidé aux autres de quitter. Mais lui, il va rester, puis comme on disait, il va rester dans sa vie toute planifiée d'avance, dans sa chemise hawaïenne. Puis pour l'instant, dans cette partie-là, à la fin du film, il est encore habillé en Wanderer, puis il chante encore la même petite tune qu'il a toujours chanté avec sa gang, tu sais, puis tu vois qu'il s'est fait... Tu sais, la gang continue, il y a encore une relève, là, tu sais, mais c'est plus ses mêmes amis, puis... Mais il y a encore une gang c'est peut-être la dernière t'sais. Fois, aussi, qu'il probablement, tu sais, tu vois que c'est un peu... Il s'accroche à quelque chose qui est plus là, tu sais, à une sorte d'innocence qui est plus là. Puis quand il va voir aussi, dans ce party-là, un moment donné, il va voir Karen Allen passer par la fenêtre, puis il va la suivre dans un quartier un peu plus loin, puis elle va dans un bar, puis on voit qu'elle va écouter, elle va voir Bob Dylan jouer dans un bar, tu sais, puis il chante justement la toune, c'est la scène appuie ça au bout, là, il chante la toune « The times they are changing », les temps sont en train de changer, puis c'est justement pour illustrer ça, tu sais, que lui, il est comme resté en arrière de tout le monde, et elle, à l'avance, elle va être dans le mouvement de counter-culture, puis lui, ben il est encore dans son image des années 50, qui est comme complètement dépassé, tu sais. Je trouve ça... un loser. Ouais. C'est vraiment sexy. Mais la scène est vraiment bonne. Puis c'est pour ça que je trouve ça triste pour lui, puis en même temps, c'est un loser, tu sais. Je veux dire, je suis triste pour lui, mais j'aurais tellement pas pris ses décisions à lui, puis tout, tu sais, c'est ça. Mais pense pas que je prends pas le film en tant que tel au sérieux. C'est des scènes que je prenais pas au sérieux par moment, puis j'avais de la misère. Mais globalement, les scènes comme celle-là que tu viens de nommer ou la finale, c'est des scènes que j'étais pareil impliqué puis que je prenais au sérieux. Là. Ça dépendait juste des moments. Là. On n'a pas parlé, mais qu'est-ce que vous avez pensé de la petite scène, le tour que les Baldies jouent à deux de nos amis? Vraiment drôle! Je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de sérieux au bout du compte, puis c'est vraiment... T'es quasiment stressé, là, tu sais, quand ils font le décompte à un moment donné, là, tu sais. Toi? T'avais l'air de trouver ça drôle. Ouais, c'était comique. Ouais. Mais c'était pas du jamais vu. Mais non, je sais. Mais c'est ça, mais tu sais... Non, elle est drôle, la scène, j'ai trouvé le fun. sinon, y a-tu quelque chose qu'on n'a pas mentionné? Quelque chose de gros? Moi, j'avais bien quelque chose de gros. Il y avait à peu près genre terreur. Vraiment. Moi, il me rappelait, c'est parce que je sais même pas si c'était le même acteur, je pense pas, mais il me rappelait beaucoup le gros niaiseux dans la série Les Power Rangers. T'avais comme le t'avais le gros avec l'autre qui était tout en train d'être après les Power Rangers. Puis lui, ce personnage-là, je sais pas avant de le prendre au sérieux, je le voyais vraiment comme un imbécile. Là. C'est comme. Je voyais vraiment un enfant dans un corps d'adulte. Là. Ouais. Ben, il a joué dans The Running Man. C'est son dernier film. Il est mort à 34 ans en 1987. De heart failure, voyons. Quelle surprise! Ouais. J'aurais jamais vu ça venir. Mais il a joué dans plusieurs films. Il a joué dans plusieurs films à Hollywood. Il a été un lutteur. Sur Wikipédia, on dit aussi qu'il a été un chanteur d'opéra basse baryton. Puis il a étudié les sciences de l'informatique au MIT. C'était pas un petit nono. Hein. Non, c'est ça. Il a joué dans Alone in the Dark, 1982, dans The Running Man. Oui, je me rappelle. Ouais. Mais mourir à 34 ans. Mais bon, tu sais. Ouais, probablement pas attention. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. On a parlé des acteurs. Ils sont pas connus vraiment. Comme je dis, j'aimais bien Joey. J'aime bien Richie aussi, qui est un peu... Il fait bien la job, le gars qui fait Richie. Je veux dire, c'est le beau gosse américain de l'époque. Là, il a la gueule de l'époque. Là. Il pourrait quasiment faire un Clark Kent. Là. Je pense juste qu'il n'y a pas forcément une performance qui marque en tant que tel. Ils font toute la job, mais il n'y a pas de grande performance d'acteur. J'aime bien l'acteur qui fait Turkey, celui qui va se faire tuer par la gang des Ducky. Parce que je l'ai déjà vu dans d'autres affaires après ça, puis j'aime bien cet acteur-là. Puis c'est ça aussi. Qui d'autre que je l'ai nommé? Perry, je l'ai nommé. Mm-hmm. Ah oui, il y en a un qu'on ne voit pas beaucoup. Son personnage s'appelle Buddy. L'acteur s'appelle Jim Youngs. Dans le film, il ne m'impressionne pas du tout, mais c'est parce que quelques années plus tard, on le voit dans Footloose contre Kevin Bacon. Il va faire le bad boy dans Footloose, là, le méchant de service. Puis c'est ça, tu sais, il n'y a pas grand acteur qu'on a revu dans d'autres choses vraiment dans ce film-là. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Y a-t-il d'autres choses qu'on a oublié de parler? Ben, moi, il n'y a rien d'autre qui vient vraiment à l'esprit. Là. Je pense qu'on a quand même fait le tour sur les qualités et les défauts. Fait que c'est ça, dans le fond, moi, c'est vrai que la bataille, c'est un gros problème pour... ça peut être un problème pour les personnes qui voient le film. J'aime mieux encore les... c'est niaiseux, mais j'aime mieux encore les batailles chorégraphiées de West Side Story. chorégraphiées à la seconde près, là. C'est exécuté à la perfection. Puis, ou encore, comme tu disais, dans The Warriors, puis dans d'autres films comme The Outsiders, où c'est mieux fait. Meilleur aussi dans Outsiders parce qu'au moins c'est vraiment une histoire que tu peux embarquer. Je m'en souviens pas assez, tu sais. Ah, moi j'ai lu le livre puis j'ai vu le film puis beaucoup The Outsiders puis vraiment là, dépendamment c'est quelque chose que j'ai remarqué à travers les années parce que je l'ai revu il y a pas tellement longtemps parce que Steven l'avait jamais vu. Puis dépendamment t'es où dans ta vie, tu vas connecter avec un personnage différent. Puis ça j'aime ça comme tous les personnages principaux, à leur façon, sont comme hyper attachants. Ils sont tous reliés, mais l'histoire est vraiment solide, là. Comme même s'il y a plus de détails dans le livre, le film, il se tient super bien. Comme, je peux même pas comprendre que The Wanderers ait une note aussi haute que ça sur IMDb pour une histoire qui est autant mal amené, mm-hmm. avec plein d'affaires qui sont quand même, qui ont vraiment mal vieilli. Tous les trucs de racisme pis tout, que là-dedans, ça a hyper mal vieilli. Pis t'as pas ça dans Outsiders. Fait qu'en partant, ça fait ça de pas achalant. Mais Outsiders, c'est vraiment là, ce qu'ils vivent. Et comme, tu te sens comme si c'était super intense. Pis c'est vraiment comme, ça l'est, mais en même temps, on dirait que pour eux, c'est pire que qu'est-ce que ça l'est. C'est parce que le gars, il se cache, puis tout, après qu'il y a eu une bataille de gang, justement. Puis ça, tu sais, comme... Tu vis vraiment un stress, là, quand t'écoutes ce film-là, parce que tu te dis, c'est tellement banal. Tu sais, je sais pas si tu te souviens un peu de l'histoire, tu sais, le gars, il a une bataille, puis comme il tue quelqu'un, genre, mais c'est comme pas voulu, puis... Mais c'est comme... En fait, tout ça pour dire que The Outsider, c'est parce que c'est un film qui est mieux ficelé, puis le scénario est mieux écrit que de Wanderers, parce que c'est ce qui m'a le plus dérangé. Je trouvais que le scénario avait beaucoup de confusion, c'était cohérent par moment. Ce que je veux dire, c'est que je m'attachais pas autant non plus aux personnages, parce que même dans Warriors, les personnages sont pas développés, mais tu roots pareil pour quelqu'un. T'es en arrière de quelqu'un que t'es comme « yeah », tu sais, puis à un moment donné, t'embarques comme dans un peu dans l'espèce de folie du film, parce que c'est super bien construit, puis le rythme est vraiment bon. Wanderers, même le rythme n'est pas constant. Mais la différence, c'est parce que je crois surtout qu'est-ce qui fait à la faveur de Outsider, c'est que le casting, c'est tout des têtes qu'on connaît super bien. C'est sûr qu'en voyant Kevin Bacon, Matt Dillon... Mais il était pas autant connu dans le thème. Non, mais moi, j'ai pas vu le film quand il est sorti. Ben fait que quand j'ai écouté The Outsider, c'est tout des têtes connues, fait que j'avais pas de difficulté à m'attacher au personnage, même si ils sont bien écrits en tant que tels, ça, peu importe que je connaisse les acteurs. Dans The Wanderers, je connais aucunement les acteurs. Fait que c'est sûr que je vais peut-être facilement moins m'attacher. Ben, la plupart des acteurs dans Warriors, je connais quand même. Mais je connaissais pas, moi, quand j'ai vu le film. Ouais. Non, mais tu sais, je veux dire, je comprends tout, c'est pas pareil. Comme, tu sais, peut-être les auditeurs le savent pas, t'es quand même assez jeune. Fait que tu sais, c'est sûr, comme. Non, c'est vrai, là, gars. Je sors avec un jeune, c'est correct, là. Je suis presque cougar, là, c'est correct. Là. Mais ça reste que moi, les films que j'ai vus, c'était pas... Tu sais, comme quand j'ai vu, exemple, Terminator 2, moi, c'était juste le méchant avec les grosses oreilles. Je savais pas c'était qui. Il y avait rien fait vraiment de marquant dans ma vie avant ça. Tu sais, la plupart du monde... À part un petit rôle dans Die Hard 2. Moi. oui, j'avais déjà... Mais tu sais, je veux dire, fait que moi, j'ai pas cet aspect-là de « Ah, oh, les acteurs connus, pis tout ça, pis tu sais, comme, j'étais tellement jeune, des films là-dedans que j'ai vu que Outsider, j'étais super jeune la première fois que je l'ai vu, pis Warrior, j'étais pas bien vieille non plus. T'es pas connu à l'époque, ça, c'est sûr. Mais je pense que Jeff, t'es le seul qui a renommé son petit rôle dans Die Hard 2, parce que c'est vrai qu'il joue un rôle de... Bad Boy, 30 secondes, puis il se fait tuer par Bruce Willis après. Là, mais... Puis parlant de Die Hard 2, celui qui joue Perry dans les Wanderers, il joue aussi dans Die Hard 2. Il fait aussi un des méchants, un de la gang du... Ben, je pense que c'est lui qui mange le glaçon dans l'œil. Je pense, il me semble que oui. Mais juste pour ça, je voulais dire, le racisme dans Wanderers, ça pourrait pas être dû à l'époque. On n'était pas là ni l'un ni l'autre, personne n'était là, mais... souvent, ça arrive que les baby boomers, les gens qui étaient jeunes à l'époque, sont aujourd'hui encore souvent très racistes. Je veux pas faire une grosse généralisation, mais ils sont souvent très racistes. Puis non, c'est vrai, là, c'est effectivement, là, je veux dire, c'est juste parce que, mettons que ça serait juste parce que le film il est vieux. Mettons que j'écoute un film des années 50, puis il y a ce qu'ils appellent comme des racial slurs. Mm-hmm. Ça va moins me déranger parce que je vais l'attribuer à l'époque. Ce qui me dérange dans ce film-là, c'est le fait que le film, en partant, essaye de dire, nous autres, on veut montrer que tout le monde est égal, mais comme pas pantoute. Hein. Fait que tu sais, c'est comme tu me vends quelque chose que tu dis que tu vas me vendre, puis finalement, tu me le vends pas pantoute. J'aurais quasiment préféré qu'il n'y ait pas la scène de la classe du tout, ou ce qu'il essaye d'élaborer que tout le monde est égal. Comme ça, il m'aurait pas parti comme dans cette veine-là pour juste pas me l'amener dans le fond. Là. Ou est-ce que c'est pas juste le prof qui essaie d'amener ça? Puis, Ben c'est ça que j'allais dire. Mais en même temps, je trouve que ça marche pas parce que autant cette scène-là, je me disais c'est le prof qui essaie d'amener ça, mais ça leur revient plus tard avec la scène de bataille où ils vont finalement tout se relier. Ça va faire comme le prof disait. Ouais. Fait que c'est la seule chose qui va relier ce sujet-là, c'est la scène de l'Atlas puis la scène... de bataille vraiment comme 1h30 plus tard. Fait que, encore là, je trouve que c'est un autre truc qui est un peu décousu. C'est un peu mal amené. Je suis d'accord. Je comprends un peu ce que Chantal veut dire dans le fond. Puis, voyons, c'est autre chose, je l'ai dit, il me semble. Non, j'ai oublié. C'est pas grave. C'est ça. Moi, dans le fond, ben, c'est vraiment juste personnel. Une des raisons pourquoi j'aime le film, plus peut-être que j'ai aimé The Outsiders ou The Warriors, au-delà de qualité de film, ce que j'aime dans The Wanderers, c'est l'époque. Comme je disais, j'aime West Side Story, ça se passe exactement à cette époque-là. Puis je vais prendre 2 minutes pour parler brièvement d'une autre affaire qui se passe aussi à cette époque-là, dans ce milieu-là, dans les gangs de rue. Puis c'est une comédie musicale écrite par Paul Simon. C'est juste un disque, là, c'est pas un film. Ça s'appelle The Cape Man. Il est sorti en 97 une version courte de ça. C'est juste un album où lui il chante quasiment toutes les chansons à lui tout seul, à part 2-3 chansons que les membres de la distribution. Ça s'appelle Song from the Cape Man. Puis ça a été un gros flop à Broadway. C'était la première fois que Paul Simon s'essayait pour faire une comédie musicale. Ça n'a pas marché. Puis c'est une histoire vraie qui s'est passée dans les années 50. Puis dans des gangs de rue, un jeune homme, un membre de gang de rue qui aurait tué un jeune blanc dans un parc et à New York. Et donc, c'est ça, c'est l'histoire de ce jeune-là. Puis les chansons sont super bonnes, c'est genre du doo-wop, puis un peu de musique latine aussi, parce que le jeune, c'est un latino. Puis le jeune dans la comédie musicale était joué par Mark Anthony avant qu'il soit connu, là, c'était en 96. C'était avant qu'il devienne connu, puis c'était avant qu'il marie Jennifer Lopez. Et donc, moi, c'est une comédie musicale que j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup la musique. L'histoire est très, très, très décousue quand on écoute l'album au complet, parce que la... Comme je disais, il y a une version courte chantée par le Paul Simon, mais aussi la version original cast qu'on trouve sur iTunes. Puis ça, il y a genre 32 chansons, là, puis c'est la version complète. Mais l'histoire, elle fait pas vraiment de... C'est très mal écrit, le Paul Simon savait pas du tout comment écrire une comédie musicale, mais les chansons sont super bonnes. Puis... fait que, mais ça se passe dans ce milieu-là. Il parle des Baldies, il parle de plusieurs autres gangs qu'on trouve dans le film ou qu'on trouvait à l'époque. Puis lui aussi, il a grandi un peu dans ce milieu-là. Tu sais, c'est un gars de New York... qui a grandi à cette époque-là, fait que ça l'a beaucoup marqué. Puis c'est ça, moi j'aime beaucoup la musique de l'époque, j'aime beaucoup ce milieu-là. J'ai aucune idée pourquoi j'aime ces histoires de gangs de rue-là, mais j'aime ça, fait que c'est ça un peu mon attachement avec The Wanderers. Puis quand j'avais vu The Warriors, je l'ai juste vu une fois, ce film-là. Puis quand ça fait très longtemps, mais je me rappelle que mon feeling c'était comme j'aimerais encore plus ça si ça se passait dans les années 60. Mais non, j'aime ça. Parce qu'en fait, The Warriors se trouve à être un peu comme une version un peu plus moderne de West Side Story, un peu. Tu sais, parce que dans le fond, tous ces films-là découlent tous de West Side Story. Oui, oui. Fait que c'est ça, dans le fond. Mais je comprends pourquoi t'aimes ce film-là vraiment pour ça, parce que c'est pas mal sa plus grande qualité, son époque et sa musique et toutes ces choses-là fonctionnent. Mais je crois qu'en tant que film concentré sur les gangs, je te dirais que j'ai plus d'affection pour The Outsider et The Warriors, mais j'enlève à rien. J'ai vraiment apprécié les événements qui arrivent dans le film, qui touchent le changement de l'époque, puis toutes ces choses-là. Je trouve que c'est super bien amené, puis j'ai vraiment beaucoup apprécié le film pareil, malgré les choses qui m'ont dérangé. Je crois juste pas que... Tu sais, j'ai vu plusieurs critiques, je me suis amusé à lire plusieurs critiques par la suite, puis tu sais, il y en a qui parlent vraiment comme c'est le film de gang à voir, puis c'est le top du top, puis je pense que c'est peut-être, en tout cas de mon point de vue, je pense pas vraiment ça, puis je crois qu'il y en a d'autres sur ce sujet-là qui sont meilleurs, mais je le déconseille pas en tout, là. Je crois que c'est un film qui pourrait satisfaire les amateurs du genre, parce que j'ai pareil trouvé mon compte dedans. Bon, mais je pense qu'on a fait le tour du sujet, n'est-ce pas? Oui. Fait que là-dessus, on va mettre la chanson titre, dans le fond, de Wanderer par Diane. Ouais. Elle est tellement bonne. Puis on revient tout de suite avec notre opinion sur Grease 2. And I show a rosy on my chest, 'cause I'm a wanderer. Yeah. Eh bien, après notre longue discussion sur le super classique de Wanderers, nous voici maintenant avec le Nanar Navet. J'ai failli mélanger, j'allais dire classique, faut pas abuser. aujourd'hui, on parle d'un choix de GF, Grease 2, son bébé. Il m'en parle depuis tellement longtemps, je me dis un jour ou l'autre, ça va arriver, j'aurai pas le choix de le voir parce que moi, je n'ai jamais vu Grease 2. Fait que Grease 2, réalisé par Patricia Birch. Ça met en vedette Maxwell Caulfield, Michelle Pfeiffer et Lona Lurft. C'est un film de 1982. L'histoire n'est pas bien compliquée. Ça se passe 2 ans après l'aventure de Sandy et à l'école Riddle. Et les élèves de l'école accueillent Michael, le cousin de Sandy. Celui-ci va tomber amoureux avec Stéphanie Zizon, la chef des Pins. Zinoni. C'est vrai, dit de même Zizon, c'est très laid. Stéphanie Zinon. Zinoni? Zinon ou Zinoni? Bon, dis-le comme dans la version française, c'est Stéphanie Zinon. Zinon, ok, je suis tellement pas bon, été, non? En tout cas, il va tomber en amont avec Stéphanie Zinon, puis c'est la chef des Pink Ladies, mais ça va pas plaire à l'autre gang, les T-Birds, ce qui va entraîner des conflits. Fait qu'on écoute un petit extrait et on revient tout de suite après. Avec Grease 2. La première semaine s'est bien passée. Oh, très bien. Et la tienne? Ah, il y a quelque chose de fascinant dans le monde de la chimie, tu sais. Oui, je sais. Comment es-tu avec Stéphanie Zinon? Stéphanie Zinon est une de mes meilleures copines. Michael, je pense que tu n'as pas une vue très exacte des choses. Stéphanie Zinon est une pink lady, ce qui veut dire qu'à moins d'être T-Bird, ce qui n'est pas ton cas, tu peux regarder mais pas toucher. Michael, évite même de regarder. Bon, et comment devient-on T-Bird, alors? Eh bien, Grease 2. I got cheese! Them out playing! T'es trompé, Steven. Ouais, je le sais, mais j'aurais tellement voulu qu'on fasse un épisode avec les deux, parce que j'ai peut-être jamais vu Grease 2, mais j'ai vu des dizaines et des dizaines de fois Grease 1, parce que c'était le film favori de ma mère, puis... Je veux pas, je grandis avec, je connais les chansons par cœur. Puis je me disais que c'était un sacrilège d'écouter Grease 2 dans ma vie, puisque mes parents ont jamais aimé Grease 2, comme beaucoup de gens. Puis c'est ça qui m'a motivé à ne jamais le voir, ce film-là. Mais tu en parlais tellement avec amour, je me disais, ben, finalement, c'était pas si pire que ça. Je vais peut-être avoir bien du fun. Puis je vais essayer de mettre le 1 vraiment de côté, puis de regarder le 2 juste comme un divertissement. Fait que je vais être objectif, puis je vais pas faire de comparaison avec le premier. Même si le 2 arrête pas de ramener le premier sur le tapis. Ben, de manière plus facile. Mais sinon, quelle est ton histoire avec Grease 2, mon cher GF? Ok, je vais essayer de faire un petit résumé. moi, au contraire, c'est ça, que c'est le premier des deux que j'ai vu. En 82-83, quand le film est sorti en VHS, j'ai un de mes oncles qui avait deux vidéos, ou une caméra vidéo puis un magnétoscope. En tout cas, peu importe, il a fait une copie du film, il l'avait loué puis il a fait une copie. Puis il l'a donné à mon père, ou à mes parents en tout cas. Puis on avait ça sur une cassette, on avait genre, sur la même cassette, je me rappelle, on avait Grease 2, puis après ça il y avait Chez Porky, puis après ça il y avait des épisodes de Les oiseaux se cachent pour mourir. fait que j'ai écouté cette cassette-là plusieurs fois dans ma vie. J'avais genre 6 ans, en 83, mettons, j'avais 6 ans. Fait que j'ai écouté ce film-là à partir de cet âge-là, 5-6 ans. Puis j'avais jamais vu le premier. Fait que moi, pour moi, il n'y avait pas, de rien à quoi je pouvais le comparer au niveau de l'histoire. Ces personnages-là existaient pour la première fois. Puis autant Frenchie que la directrice et tous les autres personnages qu'on retrouve qui étaient dans le premier film. Puis je me suis beaucoup, beaucoup identifié au fil des ans au personnage de Michael Carrington, joué par Maxwell Caulfield, qui est un jeune, on n'embarque pas là-dedans, mais des acteurs sont tous plus vieux que leur âge dans le film. Ouais, pas mal. Mais qui est un étudiant studieux, tout ça, qui est pas cool, rien. Puis il est amoureux d'une fille qui, elle cherche quelqu'un qui est pas mal plus cool que lui. Puis il va finir par... se construire une moto à partir de rien quasiment, puis devenir super cool, puis l'impressionner, puis c'est ça, moi ça me faisait rêver. J'étais comme vraiment le gars gêné qui parlait pas beaucoup quand j'étais jeune, puis pas que je parlais pas beaucoup, je parlais, mais tu sais, c'était comme j'étais très renfermé. Puis amateur de Shakespeare aussi? Non. Ah, okay. Le théâtre, c'est venu plus tard. Mais okay. Non, quand j'étais petit, je me rappelle des... Qu'est-ce que je me rappelle d'avoir... Des fois, je prenais l'autobus pour aller à l'école, puis j'étais tout seul assis sur mon banc, puis je me rappelle que je fredonnais des airs de Grease 2, tu sais, puis le monde devait me regarder bizarre, les autres jeunes devaient me regarder comme je devais être un esti de weirdo, mais ça, je m'en foutais. J'étais dans ma tête, là. Moi, j'étais vraiment, tu sais... J'étais fasciné par ce film-là. J'étais... Ben, en même temps, le monde devait tellement pas se rappeler de les chansons du 2 qu'il devait même pas savoir du chanter. Non, peu importe, là, tu sais, peu importe. Tu sais, des fois, tu fredonnes des choses, puis le monde ne sait pas ce que c'est, on s'en fout. Ouais. Tu sais, puis on est façonné parce que nos parents écoutent. Tu sais, j'ai un de mes amis, justement, hier, qui me parlait qu'il fait écouter à ses flots qui ont genre, son plus vieux a 6 ans, je pense, ou 7 ans, puis son plus jeune a 4 ans, puis il lui fait écouter les Beatles, puis son plus vieux viendra être à l'école, tu sais, puis il en parle à ses amis des Beatles, puis personne ne sait ce que c'est, tu sais, mais pour lui, c'est super important, il connaît les 4 noms des Beatles, puis il connaît plusieurs chansons. C'est ça, on est façonné par ce que nos parents écoutent, tu sais. Ouais. Moi, mes parents écoutaient des trucs, des fois, qui sortaient un peu de l'ordinaire, tu sais, en termes de films, puis des fois en termes de musique, puis ça fitait pas nécessairement à ce que les autres parlaient autour de moi, dans les autres jeunes, mais moi, c'était mon monde. Puis Grease 2, ben, j'ai grandi avec ça, c'était mon monde, puis je m'identifiais à ce personnage-là. Puis... Puis ça a continué autant de dans mon adolescence que, tu sais, aujourd'hui, je le prends d'un air plus amusé. Je sais que le film est pas bon, est considéré comme pas bon, mais tu sais, moi, maintenant, je peux pas être objectif. Je t'en parlais avant qu'on enregistre, mais je peux pas être objectif par rapport à ce film-là. Il est imprégnant dedans de moi, tu sais, il est dans les pores de ma peau, il est dans mon cerveau, tu sais, il est là, tu sais. Je connais ses répliques dans version française parce que c'est la version que j'ai le plus écoutée dans ma vie, mais je le connais... c'est sur le bout des doigts, ce film-là. C'est vraiment une belle histoire, ce que tu viens de compter là. Non, mais je dis pas ça avec sarcasme, là, c'est... Je m'ouvre ce soir, là. Ouais, vraiment, c'est la première fois que je vois JF parler d'un film avec autant de nostalgie puis d'émotion. Je le ressens à travers le micro, là. C'est épique. Mais c'était différent aussi avant le cinéma. Oui. C'était pas pareil. Tu sais, c'est comme... C'était pas comme à Star, là, qu'il y a un film à la seconde qui sort, puis on est bombardé de toutes les bars, puis il y avait beaucoup moins de films, puis c'était moins accessible. Fait que quand t'en tombais sur un que t'aimais, là, tu l'écoutais là, puis comme... Quand t'avais une cassette d'un film, tu t'as vu. Ben, c'était tellement rare d'avoir une cassette d'un film. Moi, j'avais reçu Roger Rabbit en cadeau pour Noël, quand il avait sorti en VHS, puis ça coûtait, là, quand même, tu sais, un bon prix, là. Puis j'avais eu ça en cadeau, puis je l'ai encore, ma VHS, puis je suis même pas capable de jamais imaginer m'en débarrasser. On l'a, là, en d'autres formats, mais cette VHS-là, c'est la première VHS qui était pas enregistrée que j'ai eu en cadeau. Puis ça te marquait, là, quand t'étais jeune, comme... Il y a des films, moi, que j'écoutais avec ma grand-mère, que même aujourd'hui, je les réécoute, puis c'est comme... C'était important, là. Ben, tu vois, je parlais au début de l'année avec ma mère au téléphone, puis je reste en Ontario, ma mère reste au Saguenay, puis on se parlait, puis elle me disait, hey, je me suis acheté Grease 2, puis sur Amazon, il est en français, puis tout. Puis dans la conversation, ça a donné que j'ai dit que je l'avais même pas, moi, en DVD. Ça a jamais donné dans ma vie que je l'achète. Pourtant, il est super pas cher, mais je l'ai jamais acheté parce que je l'ai encore en cassette. Je l'ai vu un million de fois, je le connais par cœur. Je n'ai même pas besoin de l'acheter, j'ai même pas besoin de le revoir, tu sais. Puis je pense qu'à un moment donné, j'ai dû, je le dirais pas trop fort, mais j'ai dû le downloader à une certaine époque pour le voir en widescreen, mais tu sais, je l'ai même plus ce copie-là non plus. C'est comme, je voulais le voir une fois en widescreen, mais je l'ai tellement vu souvent sur ma cassette, puis je l'ai encore, la fameuse cassette de mes parents, tu sais, qui avait Grease 2, puis qui avait Porky, puis, ouais. Tu sais, mais finalement, elle me l'a acheté, elle est arrivée ici au mois de mai, je pense, puis elle me l'a acheté, le film. C'est la première fois, aujourd'hui, c'était la première fois que je l'écoutais avant de faire l'épisode, c'était la première fois que je l'écoutais sur mon DVD, tu sais, je l'avais pas encore ouvert, parce que j'ai pas besoin de l'ouvrir, même pas besoin de le regarder dans le fond, le film, tu sais, je le connais, j'aurais pu faire l'épisode sans le voir, mais j'ai juste voulu le voir pour le fun, tu sais. Fait que dans le fond, c'est ça. Ben, parlons-en. C'est quoi, surtout... Ben, moi, je vais y aller avant Steven pour faire un changement, parce que Steven, lui, il l'avait jamais vu. D'accord. C'était la première fois qu'il le voyait. Moi, je l'avais déjà vu. Puis quand j'étais jeune, j'adorais ce film. Je l'avais adoré quand je l'avais vu la première fois avec... Moi, j'ai un ami, on se connaît depuis qu'on a 2 ans. Moi pis elle, on a comme grandi ensemble. Puis tous les films comme ça, Grease... Grease 2, Dirty Dancing, whatever, on tripait tout là-dessus. Puis je me souviens que je l'aimais beaucoup. Je me souviens qu'à un moment donné, je l'avais revu. Puis là, j'avais réalisé que c'était pas nécessairement un bon film, mais tu sais, j'avais quand même de l'affection pour le film. Pareil, la seule affaire... Oh, demande-moi pas comment c'est arrivé. J'avais oublié la fin. Je pensais qu'il mourrait pour vrai. Je sais pas que... Puis c'était pas... Tu sais, là, c'était t'sais, facilement... Là, le... Je l'ai vu souvent, là, quand j'étais jeune. Là. C'était quelque chose qu'à chaque fois qu'il jouait à la télé, on l'écoutait, puis c'était comme... Moi, je l'ai vu probablement un petit peu plus tard, parce que je l'ai vu à la télé, puis... Parce que moi, je suis un petit peu plus jeune que toi, fait que j'étais trop jeune quand il est sorti. Moi, j'écoutais E.T. quand ça a sorti, ça. Mais, non, pour vrai. Mais je me souviens de l'avoir revu à un moment donné. Puis le pire, c'est que pendant que j'écoutais le film, j'ai eu un moment donné où je me suis demandé, il meurt-tu pour vrai? Puis je me souviens qu'il n'y a pas tellement longtemps, j'en avais parlé avec ma soeur parce qu'on avait parlé de ce film-là. Parce que c'est... On a emprunté la copie à ma soeur pour l'écouter parce qu'elle l'a racheté. Puis elle dit « Ah, oh, j'ai racheté Grease 2, t'en souviens-tu? On écoutait ça avant, ta-ta-ta. » Puis là, je dis « Ah oh, oui, le gars, il meurt à la fin. » Elle dit « Ben oui, mais il meurt pas pour vrai. » Je dis « Ah, oh, pour vrai? » Puis j'ai comme oublié cette conversation-là. Puis quand j'y en ai reparlé, après, j'ai texté. J'ai dit « Hey, si le gars, il meurt pas pour vrai. » Elle dit « Je te l'ai dit l'autre jour. » Elle dit « Enlève tout ça de dans la tête, il meurt pas pour vrai. » Puis moi, dans ma tête, j'étais sûre que c'était ça. Fait que c'était con. Puis le pire, c'est que quand la scène, elle arrive, on dirait que là, mon cerveau, il a cliqué. Parce que tout le long du film, je me disais, ah, oh, j'ai hâte de voir la face à Steven, mais qui réalise que le gars. Puis là, quand la scène, elle arrive, j'ai dit, oh non, c'est vrai, c'est pas ça qui arrive. Puis là, j'étais comme, ah, c'est vrai. Puis là, la vraie fin m'en revenait, puis j'étais comme, ah. Puis là, j'étais comme un peu déçue. Parce que c'était pas la fin que j'avais. En même temps, ça aurait fini avec une Stéphanie déprimée qui aurait jamais su, jamais connu l'identité du mystérieux. Ça aurait été à l'encontre de l'ambiance du film. Tu sais, c'était juste comme quand ça arrive à là, je me dis, il reste encore un bout au film. Ah oui, c'est vrai. Mais ça aurait été encore plus shakespearien, je pense. Oui, probablement. Très poétique. Ça a arrêté une tournure vraiment weird pour un film de Grease, mais. Mais bref, c'est sûr que là, en regardant encore le film, quelques années encore plus tard, je réalise encore plus pourquoi que c'est pas bon. Puis, je suis très honnête, c'est un film pas bon, mais j'ai plus de fun à écouter ça que l'autre film. Oui. Mais j'ai plus de fun à écouter ça que ben des films. C'est loin, loin d'être sur ma liste de pires films. Je pourrais le réécouter, puis ça me dérangerait pas de le réécouter. Je suis un peu déçue que ça finit pas comme que je me rappelais. Pour une raison X, je sais pas pourquoi mon cerveau s'est dit ça. Là. C'était pas. Je l'ai vu tellement souvent en plus, mais en tout cas, je sais pas. Il y a une fuse quelque part. Mais parlant de la fin, tu sais, je l'écoutais aujourd'hui, puis je revoyais à la fin, puis j'étais comme, gars, on va régler ça tout de suite, là, entre Grease 1 puis Grease 2. Il n'y a pas de char qui va à la fin de Grease 2. Fait bang, Grease 2 est meilleur. Mais on dirait que Grease, autant 1 et 2, ils ont pas le tour avec les fins, hein? Mmh. Ça finit tout le temps de manière que t'es comme... Pas pantoute. Okay. Puis... C'est comme vraiment ma tante, là. Le 1 aussi. Le 1, j'adore Grease 1. La fin, il y a deux affaires que j'aime pas dans Grease 1. La fin, puis quand elle chante, là, puis qu'elle fait comme la tune, puis elle finit en faisant... Je suis pas capable. À chaque fois, là, que ça fait ce bout-là, je suis comme... Non... come on! Chante mieux que ça! Là. Là, je suis pas capable. Je déteste. Puis Grease 2, c'est le fun comme film, mais encore une fois, t'arrives à la fin, puis là, tu te sens vraiment comme... Okay. Toute la fin au complet. La fin, tout au complet, la dernière demi-heure facile, là, tu fais comme... c'est quétaine, vraiment. Non, je suis d'accord. Je suis très d'accord. C'est ça qui est le pire de tout le film, c'est la dernière demi-heure. Là. Le premier film, je l'aime vraiment beaucoup. Je connais par cœur, je connais les tunes par cœur aussi. Puis, ce que le premier film faisait beaucoup, beaucoup de références. Ben, regarde, je vais en parler tout de suite. Le premier film, là, c'était quoi dans le fond? C'était une comédie musicale qui existait depuis 72 ou 73, tu sais, qui a commencé sur scène. Dans un moment de l'histoire des États-Unis où ce que le monde était, tu sais, c'était après Woodstock, après les hippies, tout ça. Les gens commençaient à être nostalgiques d'une certaine... innocence des années 50. Il y a eu des groupes comme Shanana qui a apparu justement à Woodstock, qui eux autres ont fait une carrière de faire des tunes des années 50, de faire juste des reprises des années 50 avec des chorégraphies très, très colorées. Puis ils apparaissent dans le film de Grease. Ils ont tous connecté, quand ils ont fait le film de Grease en 78, parce qu'ils ont tous mis tout ce qui était référent, tout ce qui faisait référence aux années 50, ils ont tout mis ça dans le film. Puis c'est un film très nostalgique qui fait plein de références à cette époque-là. Ce que j'aime de Grease 2, c'est qu'on part dans une petit peu dans une autre direction. J'ai entendu un moment donné un commentaire dans un podcast que j'écoutais un épisode qui parlait de Grease 2, quelqu'un qui disait c'est le film qui se passe des années 60, qui a l'air le moins d'être des années 60. Ouais. Ça fait très années 80. C'est très années 80. Même le linge années 60 a l'air plus comme le comeback années 60 dans les années 80. c'est comme si aujourd'hui, on ferait un film rétro, mais avec les rockabilly pin-up de nos jours. C'est ça. C'est comme, non, c'est les années 50 avec des gros stretch puis des piercings. C'est à peu près ça, dans le fond. Fait que là, on n'essaye plus vraiment d'imiter les années 60, mais on se lance dans... Puis les personnages sont comme plus durs à cuire un peu. Ils sont moins naïfs que dans le premier, je trouve. Ben, les T-Birds, j'y trouve plus naïfs que dans le premier. Les T-Birds sont moins badass, mais tous les autres personnages sont plus matures. Ouais, OK, ouais. Tu sais, le film commence avec la toune Back to School, c'est bien ça de dire? Oui. Ouais. T'as-tu déjà vu des étudiants aussi heureux de retourner à l'école? C'est un film musical, tu sais, il n'y a jamais rien de réaliste là-dedans, là. Non, mais justement, je pense que dès la première scène, ça représente tout le film en tant que tel. C'est très, très, très naïf, mais c'est le fun parce que ça a une énergie de joie. Je sais pas, il y a quelque chose, une énergie qui fonctionne dans le film qui fait que ça rend le tout vraiment très divertissant à regarder. Il y a une grosse différence entre les deux premiers aussi, entre les deux films, c'est que le premier film était réalisé par un gars, j'essaie de me rappeler de son nom, Randall Kaiser, je pense, qui a fait des drames, des trucs comme ça. Plus tard, dans les années 80-90, il a fait des films qui parlaient d'histoire de gay puis de sida, parce que lui-même est gay, je pense. Puis il est plus porté sur le drame, sur les rapports humains. Tandis que la réalisatrice du 2, c'est Patricia Burch. Elle, c'était la chorégraphe du premier film, puis la chorégraphe du show à Broadway. Puis ça apparaît dans le film, dans Grease 2, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de chorégraphie. En partant avec le premier numéro, parce que tout le monde danse, puis c'est très... c'est un grand déploiement, là, tu sais, beaucoup de danseurs, tu sais. Le film contient un peu d'éléments de ce qu'on voit souvent dans les suites, hein. C'est le 2, fait qu'on va essayer de faire ça plus gros, plus grand. Oui. Il y a un bout que j'avais jamais remarqué avant, même si j'avais vu souvent le film. Puis Steven, il a même reculé le film pour me le montrer. Parce que lui, il l'a spoté tout de suite au début. Quand il danse, puis il marche, puis tout le kit. Puis là, il y a l'autobus scolaire. La première fois que tu vois le personnage de Maxwell Caulfield qui parle avec Avec Frenchie. Avec Frenchie. Ouais, avec Frenchie. En arrière, pendant qu'eux autres, ils marchent, puis ils parlent, le gars qui est comme en arrière, qui danse puis marche, comme il se plante. Il rentre dans le poteau, il a comme pas vu. Puis ça paraît que c'est pas voulu, il y a comme la face de comme, on va faire comme si de rien n'était. Puis moi, je l'avais jamais vu avec, puis Steven, il part à rire comme Noël, je suis comme, OK, il dit, t'as pas vu? Je suis comme, quoi? Là, il le recule, il est comme, Ben, vous venez de me faire découvrir de quoi, je l'avais jamais vu non plus. Ouais. Tu vas trouver ça bien drôle. Il rentre pas, pas de fort, manière, mais... pas violemment, mais tu sais... Il s'accroche, puis ça paraît que c'est pas voulu. Ouais. En fait, moi, la première chose que je me disais que j'avais peur avant d'écouter Grease 2, j'étais un gros fan de Michelle Pfeiffer. J'ai tout le temps trouvé cute, cette actrice-là, surtout dans Batman Return, évidemment, quand j'étais jeune, lorsque je l'ai vue. Puis j'adore, je la trouve belle, cette actrice-là. Puis ça me dérangeait pas, tu sais, je me dis, elle peut remplacer facilement Olivia Newton-Jones, même si je me doute qu'elle n'a pas les mêmes capacités vocales puis qu'elle devait être doublée dans le film. Mais c'est plus Maxwell comme Phil qui me faisait reculer leur culon. J'avais aucune idée c'était qui, puis il me laissait indifférent. Puis au début du film, j'avais peur. Je me disais, j'ai peur de m'en foutre totalement de ce personnage-là, puis de pas m'y intéresser. Mais je pense que l'ajout du moteur mystérieux puis toute cette intrigue-là vient rendre ce personnage-là intéressant au bout du compte, puis ça rajoute un plus que juste le petit bol de Shakespeare qui est mis un peu de côté par tout le monde puis personne ne veut rien savoir de lui, là. J'ai juste pour revenir deux secondes sur Michelle Pfeiffer, j'ai su assez vite dans ma jeunesse que j'étais attiré par les filles, puis Michelle Pfeiffer a joué un grand rôle là-dedans. Elle est tellement sexy dans ce film-là. Même en sapin de Noël, elle est sexy. Elle est sexy tout le temps dans ce film-là. Surtout dans la tune Cool Rider, là, mais qu'elle monte son escabeau. Là. Mais, Il y a une chose que tu m'avais pas dit, puis maudit que j'étais content. Il y a Christopher McDonald dedans. Ben oui. Puis il est vraiment là longtemps, puis il fait vraiment partie des T-Birds. En fond, les deux qui s'en ont le mieux sorti de ce film-là, que leur carrière n'ont pas souffert de ça, c'est Michelle Pfeiffer, c'était son premier gros film, puis Christopher McDonald, qui a une très longue carrière aussi, qui continue encore, tu sais. Il est le fun là-dedans, puis je trouve qu'il a l'allure pour jouer un gars des années 60, même si, comme tu dis, le film n'a pas l'air forcément de ça, mais j'ai tout le temps trouvé qu'il avait la coupe de cheveux, ses cheveux frisés naturellement pour l'époque, on dirait même dans Happy Gilmore, là, je l'appelle tout le temps Shooter McGavin maintenant. Tu sais, j'écoutais Grease 2, j'étais comme « Hey, c'est Shooter McGavin! » Puis là, j'arrêtais pas de sortir des répliques d'Happy Gilmore tout le long du film absolument pour rien. Puis c'était aussi l'animateur de TV dans Requiem for a Dream. Oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. C'était le père Elijah Wood dans The Faculty, Les enseignants. Ça y est, Jeff est déchaîné. Allez, continue Jeff, sans ordre. Non, mais il a joué aussi dans un autre film qu'on a écouté ensemble. Si on regarde dans Grease 2, dans certaines scènes, on peut reconnaître Lucinda Dickey. Qui joue dans Ninja 3, puis qui joue aussi dans Breaking avec Christopher McDonald. Je l'ai pas replacé. Elle est vraiment dans le background souvent. Okay. Mais pas tant dans le background qu'on la voit quand même dans certaines scènes, si tu fais attention, mais elle a pas les mêmes cheveux aussi que dans Breaking. Là. Elle est plus habillée années 60, mais. Mais c'est ça, de les voir tous les deux ensemble. Dans Breaking, Christopher McDonald faisait son impresario ou son agent, je sais pas trop. Puis c'est ça, il était plus vieux qu'elle, tandis que là, ils font tous les deux des étudiants. T'sais. Mais tu sais, Grease 2, honnêtement, ça fait un peu. Là, je disais, je voulais pas faire de comparaison. Mais tu sais, Grease 1, quand on l'écoute, c'est pas forcément parce que l'histoire est grandiose. Ça n'a pas une grande histoire. Puis Grease 2, ben, ça n'a pas forcément une grande histoire non plus. Puis je crois pas forcément que le premier ait une meilleure histoire pour autant. C'est surtout sa nostalgie, ses chansons qui fait en sorte que c'est vraiment bon, Grease. Puis dans le deuxième, je crois que ça aurait dû être ça, ses qualités, mais en même temps, la nostalgie est pas présente puisque l'époque est plus ou moins bien représentée comme le commentaire de la personne disait. Je suis plutôt d'accord avec lui. Je trouvais pas que ça faisait par moment... J'ai perdu mon écouteur, désolé. Je trouvais pas que ça faisait forcément années 60. Tu as juste le groupe des T-Birds qui sont là pour vraiment te faire dire que t'es dans les années 60. Sinon, les autres moments, je trouvais pas forcément qu'on était pas là. Tu sais, toutes les scènes avec Maxwell Coldfish, j'avais quasiment l'impression vraiment de regarder un film des années 80. Quand il va faire sa moto et tout ça, j'avais l'impression d'être dans Footloose. Il me rappelait un peu le personnage de Kevin Bacon. Qui va venir apporter sa place dans toute la civilisation de là-bas. Puis, C'est vrai que c'est pas une mauvaise comparaison, là, c'est maintenant que j'y pense. Mais sinon, le principal, je pense qu'il faut dire, c'est les chansons. T'sais. Est-ce que les chansons sont bonnes? Puis j'ai remarqué une chose. Les chansons sont écrites et faites par Louis Saint-Louis, c'est ça. Je trouvais ça drôle, Louis Saint-Louis, comment j'ai pu oublier ça. Puis j'ai remarqué que les meilleures chansons du film, c'est justement écrites par lui, et ceux que j'ai détestées, dont une qui est vraiment une des pires chansons, est écrite par d'autres. Fait que je trouve que toutes les chansons qui sont pas écrites par lui sont pas bonnes dans le film. Je suis très curieux de savoir celle que t'as le plus détestée. Celle que j'ai le plus détestée? Alors bon, on va tout de suite y aller. Je trouve que c'est la pire scène du film et que c'est la plus mauvaise chanson. Je la détestais, puis j'ai essayé de la prendre de manière vraiment farfelue, j'ai pas réussi. C'est la toune de reproduction. Ah, je savais. À l'Atlas. J'avais lu, je sais plus c'est qui dans les commentaires qui avait dit que c'était la scène de bowling la plus ridicule, puis la toune était pas bonne. Je suis comme, vraiment, excuse-moi, mais quand t'arrives à la scène de reproduction, je peux pas croire, tu peux pas dire que cette scène-là est pire ou quoi que ce soit. J'ai vraiment détesté les paroles. Je peux pas le dire, moi je l'adore. Non, mais Steven, ça paraissait dans sa face. Je le regardais du coin de l'œil, j'étais comme ouf. Non, mais les paroles, la manière que c'était traité, les manières que les garçons, j'ai vraiment haï cette scène-là. T'as pas trouvé ça éducatif? Non, pas forcément. Mais j'ai trouvé ça vraiment insignifiant comme scène. J'ai vraiment pas aimé la chanson. Aujourd'hui, je lisais sur justement les auteurs des chansons. Il n'y a pas juste Louis Saint-Louis, là, comme tu disais, il y en avait d'autres. Celle-là, puis la chanson que Stéphanie chante, Cool Rider, ont été écrites par le même gars. Là, j'oublie son nom, je pense qu'il s'appelait Dennis Lind ou quelque chose comme ça. Le gars, il a écrit, entre autres, dans sa vie, il a écrit Burning Love pour Elvis, qui est un gros succès, une chanson que j'aime bien. Puis il a écrit Goodbye Earl pour les Dixie Chicks, qui est une autre très très bonne tune. J'étais vraiment surpris de voir que, ben, qu'il avait écrit ces chansons-là. Puis c'est ça, il a écrit Reproduction puis Cool Rider. Fait que... Mais comme je te dis, il y a juste deux chansons que j'ai pas aimées. Il y a celle-ci, je l'ai vraiment détestée. Puis il y a l'autre dans l'abri anti-nucléaire que j'ai trouvé que cette scène-là ouais. servait à rien. Puis la chanson était pas vraiment bonne non plus. Puis c'est comme de nulle part une scène avec ce personnage-là que tout le long du film, il est pas développé ou il est pas mal mis en arrière-plan puis qu'on s'en fout. Puis là, tout d'un coup, il faut qu'il nous balance une scène complète avec lui puis avec une chanson patriotique que j'ai... Patriotique sexuelle, en tout cas, j'ai vraiment. Tu sais, couche avec moi pour ton pays, fais-le. Ouais. Ça sonnait vraiment bien. J'ai vraiment pas aimé cette scène-là non plus. Non, j'avoue, elle sert absolument à rien, la scène, ça, je suis très d'accord. C'est la chanson, en tout cas, moi je. Comme, ça sert à rien que je dise que je les aime toutes. Là, non, toutes, je sais, toutes, c'est. Il y en a une que j'aime moins, puis c'est. Une tune s'appelle Charades. C'est un moment donné quand. Oui, je l'ai pas aimé ouais. non plus. Michael Carrington est dans sa tête, là, pas mal, puis. Elle est juste ordinaire. Parce qu'elle ralentit c'est le film. C'est le moment un peu triste puis dramatique, puis ça marche pas vraiment là-dedans. Elle ralentit beaucoup, beaucoup le film, je trouve. Puis ça, elle est longue. J'ai tout le temps envie de la skipper, ouais. Mais toi, Chantal, avais-tu détesté ceux-là ou t'es aimé ces chansons-là? Non, oui, puis non. Celle de reproduction, je l'aime vraiment pas. La seule patriotique, je trouve ça comique, mais c'est vrai que c'est vraiment inutile dans le film, par exemple. Ouais. Puis la seule affaire, puis des fois, ça m'achale d'être rendue un adulte. Parce que quand j'étais jeune, c'est pas quelque chose que j'aurais remarqué. Puis la moi d'aujourd'hui, qui remarque trop d'affaires dans la vie parce qu'on analyse tout, ça me dérangeait que c'était pas la fille qui était après le gars. Parce que elle est supposée représenter... John Travolta, tu sais, c'est la rebelle qui... Puis le gars qui est sage. Puis ça m'a vraiment... Au début, j'étais comme, ah, c'est niaiseux, tu sais, comme, je me souvenais plus que c'était comme ça, parce que peut-être je l'avais moins remarqué, comme je dis, quand j'étais jeune. Mais tu sais, dans le film, c'est John Travolta qui est après Sandy, puis qui est comme, ben tu sais, je veux être avec, mais j'ai mon image à garder, puis tout. Tandis qu'elle, là-dedans, elle sent crise de son image. Comme ça n'a même pas rapport avec son image, c'est juste qu'elle le remarque pas pantoute parce que dans sa tête, c'est bien plus cool un bad boy. Puis là, c'est lui qui court après. C'est comme si ça aurait été Sandy qui aurait, comme depuis le début, tourné autour de John Travolta. Puis ça m'a un peu achalé, comme ça, tu sais, que ça soit tout comme le... Maintenant, ils font plus ça, mais dans le temps, c'est vrai qu'ils faisaient beaucoup ça. Fallait absolument que ça soit le gars qui court après la fille. Puis là, je trouve ça poche parce que j'aimais l'idée que les rôles soient inversés. J'aimais l'idée que, au lieu que ça soit le gars rebelle avec la fille sage, que ça soit la fille rebelle avec le gars sage. Tu sais, elle travaille dans un garage pis tout. Là, c'est une badass, là, tu sais. Fait que ça m'a un peu achalé, là. Je trouvais ça un peu... On dirait que ça rendait le film un peu plus quétaine. Mais c'est Grease 2. Mais c'est Grease 2. Mais moi, je trouve pas que Grease 2 est mauvais, mais je suis très consciente que c'est pas un bon film. Moi, quand j'écoute Grease 2, je le sais que j'ai pas écouté un bon film. C'est drôle, le gars, il se donne vraiment du mal pour avoir une fille. T'sais, je comprends qu'il y ait un kick, là, mais t'sais, la fille, elle veut quelqu'un que t'es pas au départ. Fait qu'il faut que tu changes pour qu'elle t'apprécie. C'est ça. Mais encore là, c'est parce qu'on analyse tout. Ouais, mais la différence avec le premier film, c'est que... Sandy va changer complètement sa personnalité pour plaire à Danny à la toute fin du film. Ouais, mais elle aurait pu pas le faire, puis Danny l'aimait déjà. Elle tripait déjà dessus, c'est ça. Elle a fait ça juste pour y montrer comme qu'elle est capable. Dans le fond, c'est comme un défi personnel à elle pour comme essayer un peu de mettre de côté parce qu'elle est comme un peu pris dans un moule, puis elle se sent un peu prisonnière là-dedans. Fait que c'est comme un peu une manière... Tu sais, des fois, quand t'es trop sage, puis tu veux un peu te sortir de ça, tu sais... Quand on écoute le film Grease, on le sait qu'elle reste pas de même. Là. T'sais, tout le monde se fait l'idée que si, mettons, il y a un « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », elle a remis sa jupe à pompons le lendemain. Là. Oui. Comme... Tandis que là-dedans, le gars, c'est plus juste du trouble qu'il donne. Il travaille comme un forcené, il fait les devoirs de tout le monde. Non, en pour même temps, à, fin, il a de... à pour... la fin, il reste lui-même quand même. Là. T'sais, je veux dire, il a pogné des skills en moto, là, mais il est... Parce que dans Grease 1, Sandy puis l'autre, ils se connaissent déjà. Ils ont eu un fling pendant l'été, puis tout. Il y a déjà quelque chose. Lui, c'est comme, il avoue, Puis là, instantanément, c'est comme, je vais mettre tout mon argent puis toutes mes dépenses. Il va comme... Il va réaliser son fantasme à elle. Ouais. Mais tu sais, elle aimait plutôt le rider. Puis au moment que le rider est mort, t'as comme la grosse scène qui a fait ses adieux au rider. Puis c'est comme, bon, ben le rider, il est mort, je vais prendre ce qui reste. Puis là, t'es comme ton propre sloppy seconds, genre. Non, mais... à la fin, elle accepte, tu sais. Mais je voulais juste... Ah, merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Parce que j'ai embarqué sur d'autres choses par rapport à eux autres, tous les deux. Mais la scène où ils s'en vont tous les deux en moto, quand ils viennent chercher au garage, là, ça me met tout le temps rire, cette scène-là, parce qu'ils vont rouler pendant des heures et des heures jusqu'à noirceur. Jamais elle y a fait enlever ses lunettes, elle va l'embrasser, mais jamais elle y a demandé d'enlever ses lunettes. Ils n'ont pas eu une discussion là-dessus, une chicane, quelque chose, ou... Comme, tu vas-tu les enlever, tes fucking lunettes, pour te voir les yeux, man. Tu vas finir par te voir la face. C'est quoi ton fucking nom? C'est ça. Je t'en laisse pas tant que tu les enlèves pas. Puis, au moment qu'ils décident de finalement s'embrasser, la réalisatrice a commencé à faire un premier baiser sur un coucher de soleil, mais c'est tellement le plan le plus mauvais. Ça marche pas, le coucher de soleil fait dur derrière ou rien. Puis... C'est pas aussi mauvais que le montage de Cool as Ice, là, mais c'est... Non, non, ça c'est... Oh. Moi, je peux même pas croire que vous avez écouté ce film-là, parce que moi... Puis je serais prêt à le revoir, c'est ça le pire. Oh, moi, je l'ai vu quand j'étais jeune, puis je trouve ça pénible. Mais par contre, c'est le jeu de Jeff. J'ai écouté Grease 2, on l'a écouté quand? Lundi? Dimanche, lundi. Et encore aujourd'hui, je fais juste chanter. J'étais à la job, je suis comme... Cool Rider! Cool Rider! Je peux avoir de la sortie de ma tête, ce maudit tonne. Mais... C'est une qui m'a le plus marqué du film. Mais celle c'est que... la toune la plus marquante du film, je trouve. Ben, elle qui reste le plus en tête, mais celle que j'ai le plus adorée, c'est Who's That Guy. J'ai adoré les paroles, puis j'ai adoré cette chanson. Je vais revenir 2 secondes là-dessus dans quelques instants. Je repense à ce que je voulais dire tantôt. Le fait que le gars court après la fille, soit lui, par rapport au... Voyons, comparé au premier film. D'un point de vue de gars, moi, ça me plaisait. T'sais, que le gars essaye d'aller vers la fille. T'sais, moi, en tant que jeune gars gêné, quand j'écoutais le film, c'était comme, OK, c'était un modèle dans ma tête, le Michael Covington. C'était comme, OK, lui, il est prêt à faire ça. J'étais peut-être pas prêt à faire ça, moi, dans la vie, mais c'est un genre de modèle pour moi, là, quand j'étais plus petit. T'sais. C'était juste ça, là, dans le fond. Non, je comprends. De mon point de vue, ça me dérangeait pas que ce soit lui qui court après, t'sais. Non, ben ça me dérangeait pas quand j'étais jeune non plus, mais là, on dirait que je réalisais plus qu'ils ont inversé les rôles, mais pas complètement. T'sais, ils ont gardé comme... Ils se sont gardés une petite gêne, là, t'sais. Mais je pense que dans l'ensemble, ça, je dis ça, t'sais, pour n'importe qui regarde le film, je pense qu'il faut détacher les deux films dans notre tête. Ouais, ouais, c'est sûr. Faut juste voir Grease 2 comme d'autres choses qui s'appellent pas Grease, là, t'sais. Mm. Ben, faut juste le voir comme... un fun, un moment agréable à passer, puis rien d'autre, c'est du fromage, pareil. Parce que Chantal, tu dis qu'il y avait beaucoup de références au premier, mais à part Frenchy puis les profs, je pense pas qu'il y en a tant que ça, là, des références au premier. T'oublies le méchant qui revient, qui a l'air d'avoir 55 ans, parce qu'il y a tellement de cicatrices dans le visage. Balmudo. c'est drôle, hein? Tout le long du film, c'est plus une scène où il vient faire chier les T-Birds, puis là, le rider va venir l'attaquer. Puis à la fin, tu sais, il va venir foutre le bordel dans la grosse fête. Mais avant la grosse fête, il est avec la chemise, les lunettes, puis il chante avec eux. Puis il est comme, je suis avec vous, groupe, mais dans une demi-heure, je vais venir scraper votre party. J'étais comme, OK, c'est quoi l'intérêt, mais bon. Mais sinon, ouais, oui. Jeff, qu'est-ce que tu penses, toi, des deux chansons que j'ai nommées? Ben, j'ai nommé que Cool Rider, moi, c'est celle qui me reste en tête. Cool Rider, c'est la scène la plus, une des scènes les plus sexy pour moi, là, tu sais, juste voir. C'est sûr. Michel Pfeiffer. Ouais, j'ai tout aimé cette scène-là. Puis, Who's That Guy, c'est ma chanson préférée du film. Ça a tout le temps été mon moment préféré du film. C'est comme, encore comme je disais, tu sais, en tant que petit gars qui regardait le film, tu sais, qui se prenait pour, dans ma tête, pour un Michael Carrington, qui prenait pour lui, qui m'identifiait à lui, ben, tu sais, je trouvais ça vraiment charmant, vraiment l'idée là, de se cacher dans une identité un peu comme Batman, tu sais, d'être mm-hmm. Tu sais, puis de les gens sont là, puis « Mais c'est qui ce gars-là? » Puis elle qui dit à un moment donné, « Where can I get one? » Tu sais, c'est que je peux en avoir un, tu sais. Puis, mais ça rajoute beaucoup au film, comme je disais. Le fait qu'il rajoute cet élément-là, on s'intéresse plus au personnage de Maxwell Caulfield, ça rajoute un intérêt. Là. Puis il est tellement cool, il s'est bâti. Tu sais, en fait, ça a été beaucoup essai et erreur. Il s'est bâti une moto qui est vraiment plus haute que toutes les autres. Là. Il saute par-dessus tous les chars, puis sa moto peut faire plus d'affaires que toutes les motos des autres gars, tu sais, puis... Ouais, elle arrive à créer des plateformes invisibles pour pouvoir jumper sur... Exact, un... par-dessus un char de police, ouais, pas de plateforme, pas rien... Mais quand j'étais petit, j'allais à la bibliothèque, à l'école, au primaire, peu importe, puis je me prenais des livres, ces motos, là, j'avais une grosse fixation là-dessus quand j'étais petit. À ce temps, je m'en fous, j'ai aucune idée des modèles, puis tout. Je connais rien ces motos, mais tu sais, à l'époque, je trouvais ça vraiment trippant, j'aimais sa moto à lui, c'était ça que le seul intérêt de te garder, c'est Michel Pfeiffer. Ah ouais, en pantalon serré. Mais non, c'est ça, Who's That Guy, ça reste ma chanson préférée. Il y a une scène que j'aime vraiment beaucoup du film, puis justement, notre ami sur Facebook, Marc Boulet, nous a dit que c'était sa scène qu'il détestait le plus, mais la scène du bowling, moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est complètement over the top, là, ça, y a aucun réalisme là-dedans, mais je la trouve fun. Puis c'est parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais j'adore le personnage de Johnny Nogarelli, même si c'est un petit trou de cul un peu crasse, là, tu sais, puis qui a aucun respect pour sa blonde. Là, vraiment. Manipulateur, puis il traite aucun les femmes comme des objets. Aucun respect pour Paulette, tu sais. Mais je le trouvais cool aussi quand j'étais jeune, puis j'aimais son côté, son petit côté italien, tu sais, avec sa tout le temps sur un veston ouvert ou une chemise ouverte, là, tu sais, puis très, très cruiser, puis très... très rétro, là, je trouvais ça le fun. Puis j'adore cette chanson-là, c'est lui qui chante la toune principalement, puis je le trouvais cool dans cette chanson-là, puis j'aime la chanson en tant que telle. Puis j'aime le... Il y a des numéros comme ça, comme Back to School, comme celle-là, puis une couple d'autres qui sont très dansés. Ça fait très, très musical. Mais c'est ça, c'est à cause de la réalisatrice qui est chorégraphe à la base, fait que tu sais, elle met beaucoup, beaucoup de danse dans son film, tu sais, puis ce numéro-là est très, très dansé, puis... tire beaucoup avantage de sa troupe de danseurs, tu sais, puis qui font des moves vraiment par rapport à un moment donné, ils font du 360 super rapidement, puis accélérer au bout, c'est ridicule. Mais sinon, en général, j'aime la scène, j'aime la toune. Puis, elle est catchy, la toune. Oui, oui. Mais non, continue à en parler, parce que moi, je fais juste dire que j'aime le film, là, mais... Non, mais moi, il y a juste le fait qu'il ait pris le même méchant, parce que comme Steven, il dit, là, avec la face tout de suite... Et puis, il n'y a aucune raison d'être... Il n'y a pas de raison d'être là. Toutes les autres sont rendus ailleurs dans la vie, sauf lui, gros loser, là, qui se tient encore avec des jeunes secondaires. Il n'y a rien à gagner dans aucune des scènes. Il n'y a rien à gagner à faire ça, tu sais. Puis même à la fin, elle arrive quand ils viennent cracher le party. Il n'y a rien à gagner à faire ça, tu sais. Non, mais ça serait drôle. Ça serait vraiment drôle d'aller prendre un Grease 3 moderne avec les jeunes qui vont à l'école. Puis t'as lui à 70, 80 ans qui arrive en moto. Puis c'est comme, hey, les jeunes, ça m'est foutre la main. Les cheveux blancs, tu sais. Il décroche pas, là, lui, c'est juste ça son bidon vie. Le projet à la base, c'était de faire 4 films. Il voulait faire 2 autres suites, puis il voulait faire en plus une série TV après ça. Oh my god. Puis parce que Grease 2 était un flop au cinéma, ils ont fait, non, on va scraper le projet, là, t'sais. Ben, il y a pas assez de contenu pour faire quelque chose d'aussi gros, ben, là. Il voulait faire 3 et 4, ça serait passé plus tard des années 60 avec les gens dans la counterculture, là, t'sais, les jeunes hippies, tout ça, j'imagine probablement près de Woodstock et tout ça, là, t'sais. D'autres films, je l'aurais pas vu. Une série, ça aurait pu marcher. Là. Il aurait sûrement fait de quoi un peu à la Saved by the Bell, là, tu sais, mais... Ouais. Ils ont fait ça avec Fame aussi. Ils ont fait un film à 80, puis ils ont fait une série télé qui a duré genre 5-6 ans, tu sais. Ouais, puis la série télé était comme quasiment meilleure que le film, pour vrai. C'est Alan Parker qui a réalisé le film. C'est quand même pas pire, le film. Mais c'est différent, sais, mais c'est très différent. C'est différent, mais espèce d'habitude. Tu sais, comme ça va toujours être... comment je pourrais dire, soit que la série va être meilleure, soit que le film va être meilleur. Tandis que là, moi, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait des gens qui étaient comme, oh, ouais, tu sais, pas trop sûr d'une série. Puis finalement, le monde a vraiment embarqué là-dedans. Puis pendant longtemps, en plus. Là, mais parce regarde, que ça... regarde la première saison. En tout cas, moi, j'ai acheté la première saison quand il avait sorti le coffret DVD. Je pense qu'ils ont juste sorti la 1 puis la 2. Mais la première, c'est très, très quétaine par bout, là, tu sais. C'est extrêmement cheesy, là. Ouais, sauf que après ça, ça décolle. Puis quand ça décolle, ça a joué comme... C'est le genre de série qui a joué comme en répétition pendant bien des années. Oui. Parce que je me souviens, je pense que j'étais rendue comme en 5e ou 6e année du primaire. Puis on écoutait encore ça. On l'écoutait encore à CBC, ça jouait encore. Puis c'est pareil, comme c'est le genre de série de même que je me souviens au primaire qui était populaire. Ça, puis comme Degrassi, que... Ouais. J'étais rendue au secondaire, puis on écoutait encore les... avant qu'ils ressortent des nouveaux Degrassi, là, ça a joué tellement longtemps, puis ça jouait repeat, repeat, puis des reruns tout le temps, puis on écoutait encore ça, comme... J'avais une de mes amies qui restait en arrière de chez ma mère, puis j'étais vers la fin de mon secondaire, puis j'allais encore chez eux le soir après l'école écouter ça, tu sais. On était rendu à comme, genre, 15 ans, 16 ans, puis c'était comme, on s'en jouait-tu encore à soi pour Degrassi? Oh, ouais, je m'en viens, ben, quoi. Ça, c'est comme Virginie, tu sais, t'avais des filles qui commençaient à 20 ans, puis à 40 ans, ils écoutaient encore Virginie. Ouais, mais ça, c'est parce que Virginie, ça a jamais fini, cette crise d'émission-là. Puis le film Fame, il est différent de la série parce qu'il se voulait plus réaliste. C'est l'histoire de jeunes dans une école des arts à New York. Puis ça se passait sur 3 ou 4 ans, le film, justement, les 4 années qu'il étudie. Puis c'était plus... C'était beaucoup plus lent, mais beaucoup plus dramatique aussi que la série, avec une histoire de viol à un moment donné. Puis, Ouais, c'était vraiment hard quand même. Ouais. En tout cas, Grease en série, tant qu'à moi, ça aurait marché, mais ça aurait sûrement donné un genre de... Comme je dis là, un genre de... Saved by the Bell. Mais il aurait fallu, pour que ça marche, qu'il reste très près des années 50, ben, tu sais, fin des années 50, début 60, parce que c'est ça que le monde a aimé dans le premier film, puis c'est ça que le monde n'a pas aimé dans le deuxième en partie, pas juste à cause de l'histoire et tout ça, mais je pense que le monde n'a pas retrouvé les références. Ils n'ont pas trouvé aussi leur duo Travolta et Newton-John, mais ça, c'est con, parce que l'année d'après, là, en 83, après Grease 2, il y a eu un film qui s'appelait Two of a Kind. En français, c'était Les deux oiseaux rares. Puis c'était avec Olivia Newton-John et John Travolta. C'était la deuxième fois qu'ils étaient ensemble. Puis ça a été un gros flop, ce film-là. T'sais, c'est pas parce que t'es mis ensemble que ça va être un succès assuré, là. Moi, j'ai pas détesté le film. C'était correct. Two of a Kind, moi, quand j'étais jeune, j'aimais bien ça. Puis c'était avec Oliver Reed qui fait Satan. Puis c'est très le fun. Mais c'est comme n'importe quoi. Il y a pas de formule garantie. Parce que dans le temps que Grease 1 a sorti, entre Grease 1 puis Grease 2, il y a eu tout, justement, comme Footloose. Puis il y avait eu Fame. Puis il y avait eu aussi... En tout cas, j'ai un blanc de mémoire, là. Mais il y a eu comme un gros paquet de films de danse. Il y avait eu aussi la suite de Saturday Night Staying Fever. Alive. Ouais, il y a eu Staying Alive. Fait que là, on dirait là, qu'il était vraiment sur une lancée. Puis moi, j'écoutais tous ces films-là. Je tripais sur tous les films qui avaient des chorégraphies, qui avaient de la danse. Qui avaient... Moi, j'en mangeais de ça. Puis là, après ça, ils ont sorti le film sur la lambada. Mais c'est. Puis je me souviens quand il est sorti aux vidéos du coin, il était full annoncé là, avec des grosses affiches. Puis le nouveau film de danse. Puis moi, mon amant était comme yeah! Un autre film de danse! Puis il l'avait mis dans la même section que Dirty Dancing, Grease, Footloose et compagnie. Puis là, c'était comme la grosse nouveauté. Puis la petite maudite Pinoche était jamais là à chaque semaine. Puis quand elle a finalement été là, puis qu'on a pu le louer, on était tellement contentes. Puis je peux même pas dire une scène du film. Non, c'était mauvais, là. C'était mauvais, là. Mauvais, mauvais, mauvais. On avait tellement détesté... Puis je l'ai jamais revu de ma vie, là. Je me souviens même plus de quoi ça parle, mais je me souviens juste que j'avais... Je pense que c'était la première fois dans ma vie que j'écoutais un film puis que je le détestais. Parce que quand t'es enfant, on dirait que t'écoutes juste des bons films. Oui. Ah non, c'était mauvais, Lambada. Tu basais un film sur une chanson, sur un air de musique, tu sais. Puis sur un air de musique de ma tante. Ben, c'est comme de faire un film sur un jeu de société. Oui. Lambada, c'est un film de la canon. Pour vrai? Oui. Ouais. Mon Dieu, vrai. Ça doit être de l'or en bas, ça. Ah, c'est tellement mauvais. Puis ça, là, c'était... Puis je pense que c'est le film qui a tué la vague des films de danse, parce qu'après ça, ça a comme éteint la flamme un peu. C'est ça, comme tu dis, il venait juste d'avoir Dirty Dancing en 87, puis ça arrive en 89, je pense, puis c'était comme, non, pouette, là, maintenant. Non, c'est ça, ça a comme tué la vague à date, tous les films qu'on regardait dedans, c'était comme, yes! Puis c'est pas parce que j'étais jeune que je l'ai pas... Parce qu'il y a des films que j'ai vus quand j'étais jeune, puis j'étais trop jeune, puis je les ai détestés, puis après ça, je les ai revus, puis j'ai fait, OK, clairement, j'avais pas compris le film, là. Ouais. Parce que j'avais été voir Jade au cinéma. Okay. Mais je pense que j'avais comme 12 ans. Je sais même pas pourquoi ils m'ont laissé rentrer, premièrement. Parce que ceux qui ont vu ce film-là doivent se dire comme, yo, tu laisses pas un enfant de 12 ans aller voir ça au cinéma. Puis je l'avais vraiment détesté. Là. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis finalement, quand je l'avais revu plusieurs années plus tard, j'étais comme, ok, ouais, j'étais peine trop jeune pour écouter ça. J'avais rien compris, tu sais. Mais là, Lambada, non, c'est vraiment parce que c'était fucking mauvais. Puis je blâme même pas Grease 2. d'avoir tué la vague de films de danse, c'est vraiment Lambada qui l'a tué. Là. Parce qu'avec Greaser, c'était encore bon pareil. Là. Il y avait encore du punch. Là. On pouvait encore étirer la sauce un peu. Là. Mais comme je dis, moi, ce que je vois, c'est un problème d'attente du public. T'sais. Ils attendaient Grease 1, la suite, puis ils n'ont pas eu ça. T'sais. Ben, tu sais, veux pas, quand t'es fan de premier film, tu t'attends une suite avec pas les mêmes acteurs, essaie de pas être déçu. Je veux dire, s'ils auraient fait une suite à Evil Dead ou de la série Ash vs Evil Dead, mais ça aurait pas été Bruce Campbell. Non, je suis d'accord. Tu sais, moi, je suis plus. J'ai plus de facilité à pardonner parce que je l'ai vu en premier. Tu sais, pour moi, j'étais. Mais c'est ça, tu sais. Je suis pas une référence là, pour Grease 2, mais c'est ça, tu sais. Mais je comprends, tu sais. Je comprends, c'est ça les attentes. C'est ça qui a tué le film en partie, tu sais. Ouais. Par contre, moi, le coup que ça m'a fait le plus mal avec Grease 2, c'est que si je trouvais sa première heure et 20 le fun, avec des chansons catchy puis des personnages quand même divertissants à voir, j'ai trouvé qu'à partir de quand le Rider est supposément mort, la finale, elle s'étire, puis elle finit jamais. Je pensais que le coup d'éclat, ça serait dans le théâtre, mais encore là, la chanson dans le théâtre n'est pas si bonne que ça, puis elle s'étire. Là, ensuite, ça continue dans l'espèce de truc Hawaii, puis encore là, ça s'étire. La toune n'est pas forcément si bonne que ça, puis là, j'ai trouvé que le film avait un gros problème de rythme, puis de ton. Là, j'ai vraiment décroché à partir de là, malheureusement. Ouais, mais c'est ça, je disais tantôt, la fin est pas réussie. Là. La dernière grosse demi-heure facile et. On dirait que ça veut pas trop aussi s'en aller avec ça. Ouais, non. On dirait qu'ils ont fait OK, voilà notre punch. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, l'actrice qui fait Frenchie a dit aussi en entrevue que le film, il n'y avait pas de scénario qui était finalisé avant qu'il commence. Là, ils ont fait ça un peu comme il allait. Là, puis même son personnage, elle, a comme disparu en plein milieu du film parce qu'il est. Il avait écrit les premières scènes avec elle, puis il savait plus quoi faire avec elle, fait qu'ils l'ont comme fait disparaître. Ouais, d'un moment donné, t'avouais juste plus. C'est ça. Et juste plus là. C'est ça, elle sert à rien dans le film non plus, à part pour accueillir Michael au début, elle sert absolument à rien dans le film. Elle est juste là pour faire un lien avec le premier, c'est tout. C'est ça, exactement. Ouais, parce que je veux dire, dans la vraie vie, là, y a pas personne qui part, qui va faire un DEP, puis après ça, qui retourne à son école secondaire. Ben non. Non, mais de toute manière. Je veux dire, elle est là pour faire naître le premier, mais tout le monde se foutait d'elle dans le premier. Là. Moi, je m'en foutais de ce personnage-là. Elle n'est pas forcément intéressante. Là. Même sa chanson. Je sais pas si elle qui la chantait principalement, la chanson dans. Ouais, elle chante Beauty School Dropout. Leur soirée de pyjama, là. Ben, ils sont toute une gang qui chante. En tout cas, mais je veux dire, c'est pas un personnage que je trouvais forcément plus intéressant. J'avais plus de fun à revoir la directrice d'école qu'elle. Okay. Ben dans les personnages qui reviennent, c'est vraiment la directrice puis son amie Blanche, sa collègue qui sont les plus utiles, si on veut. Ouais. Parce que les profs, t'sais, le coach, là, on le voit au début du film puis on ne le revoit plus non plus. Non. Dans le premier film, il était là en tout cas pour entraîner. Il est tombé dans le trou, c'est pas de sa faute. Ah, il est mort dans le trou. Puis il y a une couple d'autres profs aussi. Il y a des nouveaux profs qui servent à rien. T'sais. Monsieur Stewart, Miss Mason, servent à rien ces personnes. C'est des acteurs des années 50. Ça, c'est des références aux années 50 parce qu'eux autres, c'était des acteurs connus des années 50. Mais à part ça, à part de servir de référence, ils servent à rien. T'sais. Le gars qui chante Reproduction, il sert à rien. Là, à part cette chanson-là. La tête non plus, elle sert à rien. Puis c'est ça, tu sais. Dans le fond, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, on va montrer ça à Scott plus tard, The Bees. And... Tu sais? Ouais. On va montrer ça plus tard à Scott. Il faut qu'on t'explique de quoi. V'là la reproduction. Le gars qui montre le lapin. Là. See what happens when a boy and girl don't know how to play it safe. Oh, man. Mais la finale, non, la finale n'est pas mémorable. Puis comme je disais, il écrivait ça sur le fly, là, tout, pendant que le film se faisait. J'ai même lu quelque part qu'il voulait faire une autre finale, un peu comme dans le premier film, parce que il embarquait tous deux sur une moto, puis elle s'envolait. Mais pourquoi ils l'ont pas fait? Ça aurait été plus... J'aurais tellement ri, je pense que j'aurais braillé, vraiment. Mais tu sais, je veux dire, t'enlèves la finale en moto, je veux dire, toute la grosse finale du... la finale en moto, la finale en voiture du premier, toute la finale, la toune, ça finit bien le film, tu sais, la toune reste en tête, puis c'est une bonne finale. Tandis que là, la chanson finale est plate. Ouais, banale. Elle est vraiment banale, contrairement... aux autres chansons au milieu de film qui restent en tête. Fait que je pense que c'est vraiment ça son plus gros défaut au film qui vient nuire. T'sais, moi je les chante parce que ça fait genre au-dessus de 30 ans que je les connais, mais c'est parce qu'ils sont imprégnés dans ma tête. Mais sinon, si je regarde ça, j'essaye de regarder ça objectivement, je sais que les chansons sont pas bonnes. J'espère que tu chantes pas reproduction en public. Là, je comprends pourquoi le monde te regarde écran. C'est ça, tu sais, j'étais jeune puis je chantais ça. Non, je devais chanter au Stade Guy puis des trucs de même. Mais la toune où Stéphanie imagine justement son cool rider qui est mort, qui est au ciel, tu sais. C'est tellement cheesy, cette scène-là, c'est incroyable. Puis lui qui se met à parler, un petit speech parlé dans la chanson, là. Stéphanie, please don't cry. Ça me fait tout le temps rire. Mais cette scène-là, moi, ce que j'aimerais, ce que j'ai tout le temps voulu, ce que j'ai tout le temps souhaité en tant que spectateur, c'est de voir Stéphanie, parce qu'on... OK, elle pense à ça dans sa tête, elle chante la chanson, puis elle imagine ça dans sa tête, mais en même temps, elle est sur scène, puis elle chante la toune. Moi, j'aurais aimé ça voir la scène dans le spectacle, tu sais, qu'elle chante. Les bouts que le gars, il chante, là, elle fait quoi durant ce temps-là sur scène, elle? C'est-tu vide? Il y a juste la musique? Puis... Elle est capable de chanter dans sa tête, puis de chanter pour de vrai en même temps. Deux chansons différentes. Ouais, ok. Mais tu m'as pas répondu tout à l'heure. C'est-tu Michel Pfeiffer qui chante pour de vrai? Mais moi, je pense que oui. Sur la soundtrack, c'est marqué son nom. Puis en général, ils vont le marquer si quelqu'un qui. Ah, ok. Mais pas si pire pantoute. Je te dis ça, là. Même sur Wikipédia, c'est bien marqué que c'est Michel Pfeiffer qui est performer sur les chansons. Ah, ok. Cool Rider! Là, je l'ai vraiment dans la tête, je suis plus capable de l'enlever. Celle qui fait Paulette, on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'actrice Lorna Luft. Dans le fond, elle, c'est la fille à Judy Garland, du Magicien d'Oz. C'est donc la demi-sœur de Liza Minnelli, parce qu'ils n'ont pas le même père. Puis il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices dans le film comme ça qui ont des relations avec soit des parents célèbres ou des trucs comme ça. Celle qui fait la petite Dolores, la plus jeune de la gang, je suis en train de perdre la voix. Dolores, elle s'appelle Pamela Siegel. Tu l'as sûrement déjà vu, je vais dire les deux, vous êtes tous les amateurs de films d'horreur. Sûrement déjà vu dans La Fissure 2, The Gate 2. C'est elle qui sort avec Louis? Oui. Ah, ok, ouais, je m'en rappelle. Puis sinon, à part ça, qui d'autre qui était connu dans le film? Les deux jumelles qui sont cheerleaders sont pas connues, mais ils ont une sœur qui est connue qui s'appelle Katie Segal qui jouait... si vous avez déjà vu la série, la dernière série que John Ritter a faite, Eight Rules to for Dating ma Eight Simple Rules for Dating ma Daughter, en tout cas, c'était sa femme. Okay. Elle jouait dans Married with Children, toutes sortes de séries télévisées. C'est ça, là je m'éloigne un peu, mais c'est ça, c'est j'essaie de voir les noms des acteurs. Christopher McDonald, puis ça c'est le gars qui fait Johnny Nogarelli, Adrian Smith. Il a eu une petite carrière, un petit peu de popularité au des années 80, mais je pense qu'il fait plus rien à ça, plus grand chose d'intéressant, mais c'est ça, ce gars là je le trouvais cool à l'époque, mais je pense qu'il est tombé dans l'oubli totalement. Puis comme Maxwell Caulfield, ça a tué sa carrière. Ben regarde ce film là sa carrière qui débutait, tu sais, sur Wikipédia ils disent dans une entrevue, il a dit, on disait que j'étais le nouveau Richard Gere puis le nouveau John Travolta avant que je fasse ce film-là, puis après ça, ça a été la déchéance, là, tu sais, c'était fini. Là. Mais tu sais, il a joué dans des séries télévisées, dans des trucs comme ça, dans des films... Ben, il a joué dans Empire Records, qui est un gros film culte des années 90 que j'ai jamais vu, mais... Ah, pour vrai, c'est jamais vu? Non, mais il joue là-dedans, je pense qu'il joue un rôle important là-dedans. C'est un des films préférés à ma sœur, puis c'est un de mes moins films préférés. Okay. Comme moi et ma sœur, on est vraiment à deux opposés pour ça, là. Mais Sarah était un peu plus jeune que moi dans les années 90, fait qu'elle a plus un peu comme une genre de nostalgie de ça. Tu sais, comme le film Singles, qui est supposément comme... Oui, c'est Ben Stiller, ça? Ouais, qui est comme le film... Ou c'est Reality Bites qui est Ben Stiller, je sais plus. Qui est comme le film qui représente les jeunes grunge puis tout ça. Moi, j'étais adolescente. Moi, j'étais cette génération-là. J'allais à l'école avec des chemises de chasse trop grandes puis des t-shirts de Pearl Jam puis Nirvana puis tout ça. Mais ma sœur est 5 ans plus jeune que moi. Fait qu'elle, elle l'a vécu, mais elle l'a vécu comme un peu comme que moi, j'ai vécu les années 80. Ouais. Moi, j'étais un enfant des années 80. Fait que ma sœur, elle a un gros amour puis une grosse nostalgie envers les années 90, un peu plus que les années 80, parce qu'elle était vraiment trop petite dans les années 80. Puis elle aime beaucoup la musique des années 80, mais ça, là, elle regarde Empire Records, puis elle trip, là. C'est comme ouais. un de ses films préférés, puis c'est un film qui a floppé ben raide, là. C'est le film, le soundtrack a été un des soundtracks qui a le mieux vendu, puis le film qui a fait les recettes les plus pourries au cinéma, quasiment, là. Je m'en souviens, quand ça a sorti, c'était... Puis moi, quand j'ai fini par le voir, j'étais comme, OK, ouais, c'est juste ça. Puis ma soeur était comme, waouh! Ben, j'ai l'impression qu'il y a un statut culte, mais peut-être que je me trompe. Là. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup maintenant, de monde qui l'adule. Oui. Ouais. Ouais, maintenant, oui. Puis c'est à peu près du monde, un peu de la génération de ma soeur. OK. Tu sais, contrairement à Singles, oui, il y a beaucoup de monde, même quand j'étais jeune, de mes amis qui trippaient sur ce film-là, puis tout. Mais Empire Records, j'ai jamais connu personne de mon âge qui trippait sur ce film-là, à part la musique. Tout le monde trippait sa musique. La musique était écœurante. Mais c'était comme. Tu sais, je sais pas. Pas tout à fait comme Grease 2, là. Grease 2, je connais pas beaucoup de monde qui trippe dessus, là, non. Mais... mais pour l'info, Single, c'est Cameron Crowe qui a réalisé. Ah, OK, ouais. Juste avant Jerry Maguire. Mais ouais. Mais Singles vaut plus la peine. C'est tout ça, tu as déjà vu Singles? Moi, non. J'ai déjà vu... je me mélange tout le temps avec Reality Bites, mais c'est l'autre que j'ai vu. C'est Reality Bites que j'ai vu. Non, il y a eu un trip à un moment donné, et puis je pense pas qu'il y en a eu pour la génération en ce moment, ou à moins que je l'ai pas remarqué. Mais tu sais, comme pour les années 80, t'avais comme Breakfast Club, tout ça. Pour les années 90, dépendamment dans quelle phase des années 90, ben t'as eu Singles, puis vers la fin des années 90, un qui est un peu moins connu, mais t'as eu Suburbia, qui était comme fin 90, début 2000. Mm-hmm. Ils ont vraiment le look, là. Puis je l'ai revu il y a pas longtemps, ce film-là, puis j'étais comme... C'est pas vraiment bon, mais je me souviens quand j'étais jeune, j'étais comme, ouais, c'est hot. Mais pas tant, puis je me semble que j'ai pas vu ça récemment. Je l'ai pas vu, mais je me demande si le premier film du réalisateur de It Follows, The Myth of the American Sleepover, serait pas un film comme ça. Ah, faudrait demander à Marc-Antoine, mais... Mais j'en ai entendu beaucoup de bien de celui-là. Peut-être ça, c'est plus le film qui va être plus tard la référence pour la jeunesse de... La manière que je lisais sur le film, j'ai l'impression que c'est It Follows sans l'horreur. C'est juste focusé sur les ados dans le même genre de setting. Ouais. Puis il y aurait peut-être aussi, mais ça c'est pour les plus jeunes un peu, mais The Perks of Being a Wallflower, que j'ai bien aimé, qui est un bon film d'ado récent, là, des 5 dernières années. Là. Ouais, ça je l'ai pas vu. Puis je dis ado, c'est peut-être 16, 17, 18 ans, max, gros max. Ouais, ben c'est ça, c'est un... Ben, c'est parce que dans Singles, techniquement, sont supposés être... On le sait pas trop vraiment. Je me souviens plus si on se posait à quel âge. Bon, en tout cas. Je me souviens plus. Toi, tu penses pas grave, Singles, c'est... Ben, Singles, c'est écœurant, là. C'est super bon. Mais parlant d'âge, Grease 2, là, j'écoute, ils sont en... Vieux, j'écoute là. En français, là, puis Frenchie, elle a tellement la voix d'une madame dans cinquantaine. Là, mais en anglais, elle a une voix fatigante. Oui. Ben, je pense qu'elle est juste faite pour une voix fatiguante. C'est... Il y a des son personnage est fatiguant. Mais elle a-tu une voix de... Que je me souviens pas de l'avoir vue dans d'autres films. Moi non plus. Comme... Tu sais, parce qu'il y en a des fois que c'est juste... Tu sais, elle qui joue dans Little Shop of Horror pis tout ça, chaque fois qu'elle fait des films, elle a vraiment cette voix-là. Oui, oui, oui. Elle est juste pas chanceuse. Mais elle qui fait Frenchie, je sais pas si elle est pognée un peu avec la même malédiction. Bonne question, je sais pas en tout. Je regarde sa filmographie, j'ai rien vu d'autre avec elle. Ouais, elle jouait dans Frida en 2002, je me souviens pas de ça. Je me souviens du film, mais je me souviens pas d'elle. Je me souviens de l'affiche du film. Fait que non, c'est ça. Je pense qu'on s'étirera pas plus sur Grease 2. Est-ce qu'on a pas mal fait le tour de tout? Est-ce qu'on a... Il y avait d'autres affaires qu'on voulait... Ça, moi, j'aime les... Il y a une autre tune qu'on n'a pas nommée, c'est, elle s'appelle Prowling, c'est quand les quatre T-Birds chantent, puis sont comme au garage. Ça commence au garage, puis ça se transporte après ça sur scène, ils préparent leur numéro, puis... Ben oui, puis il explique dans la tune que la meilleure place pour pogner des chicks, c'est à l'épicerie. Exact. Ça m'a bien fait rire, parce que ça, c'est un que je catchais pas vraiment quand j'étais jeune. Moi non plus. Dans ma tête d'enfant, puis que... Là, je le regardais, puis j'étais comme, ben oui, toi. Ah, les ouais, paroles, moi, je les ai compris plus tard aussi. Les cruiser au comptoir des viandes. Mais sont tellement caves, ces quatre gars-là. C'est, ah, ça va pas la manière qu'ils vont... ils vont capturer les... Ils vont attraper les trois autres gars qui chantent Mr. Sandman, puis... c'est juste pour voler leur saut, tu sais, leur numéro, il a tout été monté. Ben oui. Il était pratiqué. Ça les rendra pas meilleurs, là. C'est drôle parce que je l'ai tellement vu souvent en français. En français, c'est traduit très Frenchouille, tu sais, puis ils parlent qu'ils vont gagner des albums, mais ils disent pas album, ils disent album, on va gagner des albums. Puis ils disent Roy Orbison, Orbison, ils rajoutent un N ou ce qu'il n'a pas, là, tu sais. J'espère qu'il y a des albums de Roy Orbison, je sais pas trop quoi. Oui, ça fait pas partie de ma culture beaucoup à Steven. Des fois, il y a des affaires qu'il a écoutées quand il était jeune que pour lui, c'est quasiment faux qu'il l'écoute en français. Ouais, Retour vers le futur. Ouais. Puis moi, je dois l'avoir déjà regardé à télé en français, mais ici, principalement, j'écoutais un peu les deux, là, j'écoutais à terre, mais plus en anglais. Fait que Grease 2, jamais de ma vie, je l'ai vu en français. Je peux pas me rappeler de l'avoir jamais vu en français. OK. Ever. C'est tout dépendant, là, parce que souvent, nous autres, quand on était jeunes, on écoutait nos films, soit peut-être, tu sais, comme, mettons, toi, c'était peut-être plus comme Radio-Canada, mais moi, c'était CBC. Mm-hmm. Et c'était plus ça, là. C'est pour ça qu'il y a des émissions que du monde ont découvert, mettons, le Canada français a découvert plus tard, comme à un moment donné, il y a eu une espèce de revival pour House of Frankenstein. Oui. Ben moi, j'écoutais ça quand j'étais jeune, parce que j'écoutais TV Ontario tout le temps. On est collé sur l'Ontario, fait que... Ouais, ça, je me rappelle l'avoir vu quand j'étais jeune. Mais tu sais, quand on a commencé à voir le câble aussi, j'écoutais ces émissions-là. Puis assez jeune, j'ai commencé à écouter Full House aussi, des trucs comme ça, là. Mais là, on va pas parler du câble, parce que là, on va vraiment sonner vieux, parce que le câble, il n'y avait pas tant de pouces que ça. Non. Mais Grease 2, je l'avais tout le temps vu en français. Ça a été long que je le voyais en anglais. Puis je l'apprécie pas autant parce que je suis tellement habitué avec ses voix. Ah, c'est ça qui arrive, l'habitude. Ben, c'est ça, Steven, comme il dit, Back to the Future, c'est comme ça. Lui, c'est juste en français tout le temps. Puis moi, j'ai de la misère à m'habituer parce que c'est un film que j'adore puis que j'ai vu tellement souvent. Tu sais, je me souviens plus, c'est quoi qu'il dit encore en français au lieu de dire Great Scott? Nom de Zeus! Oui! Mais moi, je suis tellement habituée qu'il fasse Great Scott! Là, à chaque fois. Nom de Dieu! Tu sais, on dirait que ça. C'est pas correct! Puis lui, ça, il fait le contraire. Si je le mets en anglais, puis là, il dit Grace, il est comme, je catch pas. Pourquoi il dit ça? Non, c'est pas je catch pas, je catchais. J'aime pas dire, c'est j'ai ça, pas la même nostalgie, je trippe pas. C'est ça, t'aimes pas ça, tu trippes pas, tu sais. Puis il y a tellement des expressions spécifiques. Il y a des trucs comme Marty va dire, c'est le pied. Puis je pense que c'est son. Non, c'est le jeune, jeune doc qui va dire c'est quoi cette obsession avec les pieds que t'as tout le temps? Puis dans le troisième film, il va dire t'as les foies, McFly, t'as les foies. C'est quoi les foies? T'sais, ça a été long avant que je comprenne. J'étais voir sur Google, m'en dit ah, les foies, ok. C'est... Je vais les tirer comme un sapin, comme un lapin, patron, comme un lapin. Mais j'ai grandi avec ces films-là en français aussi. Puis même chose, mettons, comme les Indiana Jones. Récemment, je les ai réécoutés avec ma blonde, il y a peut-être un mois ou deux. Puis, j'ai écouté les versions DVD, mais tu sais, en français, j'ai mis version française parce que je suis tellement habitué d'entendre Indiana Jones en français, tu sais. Ouais, moi aussi. Pourtant, j'ai aucun problème à les écouter en anglais, aucun problème. Puis, je les ai toutes vues en anglais à un moment donné parce que j'ai voulu revoir tout ça en anglais pour avoir les vraies expressions, tout ça. Puis, il y a des trucs, comme dans Star Wars, j'avais tout le temps connu ça en français. Puis, à un moment donné, tu veux les voir en anglais parce qu'il y a des expressions qui sont répétées d'un film à l'autre. Mais en français, les traductions sont différentes, fait que ils répètent pas les mêmes quotes, les mêmes taglines, pas les taglines, mais les one-liners de certains personnages, tu sais. Don't tell me the odds ou des trucs comme ça, tu sais. Ouais. Campos, je pense que c'est le seul film au monde que la traduction en français est 100 fois meilleure qu'en anglais, puis le film est vraiment pas pareil en anglais. Ouais, je te dirais. Ouais, non, ça c'est vrai, là. Mais je pourrais argumenter là-dessus. New Jack City en français québécois, c'est tellement drôle, là. Je l'ai pas essayé. Là, en fait, je l'avais commencé en français pour le fun, puis j'ai comme fait « Oh fuck non, je veux pas écouter Slapshot », puis je l'ai mis en anglais. Mais à un moment donné, je vais le réécouter en français québécois pour le fun, parce que je me dis que voir Wesley Snipes dire « Tabarnak », ça doit être drôle. Mais juste pour finir là-dessus, moi aussi, il y a une autre série de films que j'écoute juste en français, c'est les Wayne's World. Ouais, oh, ouais, j'étais même habitué. Oh non! Ça, là, c'est ce film-là, là, pendant, je peux même pas dire combien de temps, moi puis mon ami au secondaire, j'allais toujours coucher chez eux le samedi, puis on l'écoutait tout le temps. Quand on se levait le matin, c'est ça qu'on mettait comme film de fond. Ouais. Je le connais par cœur. Je suis pas capable de l'écouter en français. Là, ça passe juste pas. Mais il y en a qui... Si je l'écoute... Excellent! Non. Non, en français, là, mon cerveau fait comme... Un jour, elle sera mienne. Oh oui! Non. Puis l'affaire, c'est que moi, j'écoutais déjà Saturday Night Live. Fait que je connaissais déjà Michael Myers. Comme c'est... Tu sais, c'était... C'était ça, là. Un sphincter. Ça dit quoi? Ok, je pense qu'on va arrêter parce que je vois du 3 heures. On n'est pas dans un time-out. Je suis sur la page Wikipédia de l'actrice qui fait Frenchie. Elle s'appelle Didi Conn, C-O-N-N. C'est marqué que sa voix childlike est une de ses trademarks. Ah, bon, ben, on sait maintenant. C'est déjà ça. Oui. Fait qu'on sait qu'il ne faut pas regarder des films avec Didi Conn si on veut pas entendre cette voix-là. Fait que dans le fond, c'était ça. Notre opinion sur Grease 2, je pense que c'est on a fait le tour. C'est... Vous devriez trouver une manière à un moment donné d'avoir Logan's Run. Parce que Steven, il l'a jamais vu. Puis j'aimerais tellement ça qu'il voit ce film-là. Oui, avec. Voyons, c'est quoi déjà son nom? Je me souviens plus, mais. Ah, il est dans Austin Powers. Merde. En tout cas, j'ai oublié son nom. Moi, j'ai vu ça à cause de ma mère. Ma mère, c'est une maniaque de science-fiction. Fait que la plupart des vieux films de science-fiction, c'est à cause de ma mère. J'ai vu quand j'étais enfant. Là. Même chose pour moi. Ça m'avait marqué quand j'étais enfant, puis ça m'avait un peu creepé out. J'avais comme pas bien dormi après que je l'avais écouté la première fois, mais j'avais comme 7 ou 8 ans. Je pense que j'étais vraiment jeune. Puis ça m'a... Puis je me... Tu sais, quand un film te reste, mais tu te souviens plus, puis je me disais, ah, oh, c'est quoi encore ce film-là? Puis à un moment donné, je l'ai revu il y a pas longtemps à la télé, puis ça, j'aimerais vraiment ça que Steven le voit. Le titre en français ne m'a pas pété dans la tête, je le cherchais depuis tantôt, c'est L'Âge de cristal. Mais le nom de l'acteur, j'oublie. Michael York. Je pense que c'est ça son nom. Ouais. Bon, fait que on va finir ça en se disant qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain épisode. T'es-tu d'accord, Steven? Ben oui. Oui. Mais je dirais pas qui va être notre invité, ça va être une surprise. Parce qu'on va avoir un invité dans le prochain épisode. Mais notre épisode cannibale. Pas cannibale, mais. Expédition qui tourne mal, c'est va mettre on va parler du film Cannibal the Musical que j'ai jamais vu, qui est notre pour vrai, tu l'as jamais vu. Jamais vu, ce qui va être notre navet nanar. Je suis un gros fan du premier film de South Park. J'ai été moins fan de Team America, puis c'était pas près de tout ce que j'ai vu. J'ai pas vraiment écouté la série South Park, puis c'est pas près de tout ce que j'ai vu d'eux autres. Puis notre classique pour l'occasion, ça va être Délivrance, un film que j'aime vraiment beaucoup. Puis c'est ça, dans le fond, le thème, c'est Expédition qui tourne mal. Puis c'est ça, on va avoir un invité spécial, mais je le dirai pas tout de suite, c'est qui. Fait que là-dessus, on va se quitter. Je pense qu'on va mettre une couple de tonnes de Grease 2. Avez-vous un choix en particulier pour une tonne? Ride! Parfait, pour mettre... Je peux pas mettre celle-là. Là. Celle-là, puis Use That Guy. Yeah. J'aurais pu mettre Reproduction, mais non. Ah, fais pas ça. Je crois que le monde va tellement être intrigué de l'entendre qu'ils vont aller l'écouter. Là. Ouais, ils vont checker le clip sur YouTube s'il est là. Il doit exister. Ah, c'est sûr que c'est. Bon, ben, merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté. Merci à toi, Chantal, d'avoir été là. Merci de m'avoir invité. Ben, c'est toujours un plaisir. Et merci, Steven, d'être toujours présent pour ces épisodes. C'est toujours le fun à faire. Excellent! Non! Gigatov, dis. Non. Gigatov. Gigatov, c'est dans le deuxième. Je pense dans le premier film, ils disent Megatov. Ah, c'est vrai, j'ai même pas remarqué ça. Ouais. Fait que là-dessus, on se laisse en musique et on se voit la semaine prochaine. Ouais, time out. Bientôt. Time out ou le prochain épisode. Fait que bye-bye. Bye.